Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités du mois passé d'habitude, mais comme ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait d'enregistrement de ce podcast, on va parler des deux derniers mois. C'est l'épisode numéro 38, je suis Axel, votre hôte comme d'habitude pour ce podcast, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux invités habituels du podcast Parlons Cinéma et puis mes co-hôtes du podcast Movie Nerd aussi. En commençant du coup par Morgane, salut. Oh, il est con. Salut. C'était... Vous pouvez vous attendre à de nombreuses blagues sur le coronavirus. Si vous pensiez pouvoir écouter un podcast en vous échappant et en n'entendant plus parler de ce cycle infernal, vous n'avez pas choisi le bon podcast, je crois, malheureusement. Ça va mieux. D'accord, oui. Super. Bonjour. Oui. Et du coup, la deuxième voix exaspérée que vous avez entendue déjà, c'est dit, salut. Salut. Comment tu vas? Oh bah, ma foi, tout va bien. Hein. Tout va bien, ok, non, bah, non. Super. T'es-tu lavé les mains avant de faire le podcast? Mais moi, alors, le truc, c'est que moi, je n'ai pas attendu que le gouvernement me demande de me laver les mains pour me les laver, en fait. Voilà, je suis juste propre. Voilà. Voilà, moi, je me lave les mains quand je rentre chez moi. Je me lave parfois même le visage, parce que je... Oui. Quand bah, tu fais des vrai. Allergies, des choses comme ça, donc... J'ai du bon sens, quoi. Bah oui, on peut faire un podcast sanitaire aussi, c'est intéressant. Ça, je crois que ça intéresse beaucoup de monde. Hein. En ce moment, ouais. Bah, quand on voit que Macron, juste pour parler du lavage des mains, il a fait 22 millions de spectateurs, il y a un truc, on peut tenir quelque chose avec ça. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Non, mais je crois qu'il y a trop de monde dessus, hein, de toute façon. Et, voilà. On va rester sur le cinéma, je crois que c'est vaut mieux. Du coup, on va parler des actualités du 1er janvier 2020 au 1er mars 2020. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec une bande-annonce pour un film qui, à la base, déjà devait sortir le 18 mars, donc dans quelques jours. Au jour où on enregistre ce podcast, et finalement été reporté. C'est le cas de nombreux films. Hein. On parlera sûrement le mois prochain, puisqu'on va avoir d'autres films encore qui seront reportés sûrement. On vous tiendra au courant de tout ça. Mais en tout cas, du coup, ce film, c'est Sans un bruit 2, où on a eu la bande-annonce, la première bande-annonce. Donc, le premier était un film de John Krasinski, c'est toujours le cas pour celui-ci, on va pas dévoiler l'intrigue du premier. En tout cas, ça se concentre plus sur la mère et les deux enfants qui étaient les personnages principaux du premier film. La mère interprétée par Emily Blunt. Cette bande-annonce commence avec une sorte de préquel où on voit le début de l'invasion un peu si vous voulez, le principe de Sans un bruit, c'est qu'il y a des monstres qui sont venus, on sait pas pourquoi, sur Terre, et qui en fait sont très sensibles au bruit, donc il faut voilà, donc d'où le titre du film Sans un bruit. C'est vraiment si les monstres vous entendent, bah, vous êtes un peu mort. Donc voilà. Et cette bande-annonce commence avec une préquelle au premier où on voit la mère avec les deux enfants qui découvrent ces monstres qui envahissent leur ville. Et on continue avec une vraie suite au premier où elle va essayer, elle va quitter la maison qu'ils avaient dans le premier avec ses deux enfants pour essayer de trouver un refuge autre part. Pendant cette avec aventure, ses trois enfants. C'est trois enfants, pardon. C'est vrai qu'il y a deux enfants âgés, âgés, c'est-à-dire qui peuvent parler et bouger, voilà, et un bébé, du coup. Durant ce voyage, ils vont rencontrer un homme solitaire qui est interprété par Cillian Murphy, qui accepte de les accueillir et qui semble avoir des informations sur les mystères qui entourent cet apocalypse, voilà. Sachant que le premier film ne révélait pas trop d'informations sur le pourquoi du comment de cet apocalypse, pourquoi ces monstres étaient venus, quelles sont leurs origines et tout ça. Et je crois que c'était dû à une chauve-souris. Voilà. là normalement on devrait avoir plus de réponses sur le pourquoi du comment de ces monstres et de cet apocalypse. Voilà. Hélas. Morgane, tu dis ça. Du coup, tu avais aimé le premier film, il me semble. Alors, je l'ai vu qu'une fois et au cinéma, donc du coup, en fait, je pense que... Ça jouait beaucoup. Ouais, je pense que l'effet de surprise de la première fois fait que on peut être séduit par le côté conceptuel du truc, même par l'ambition du film. On est quand même sur un film quasiment muet. Ouais. Et je trouvais que le rendu était vachement bien. Et j'avais adoré Emily Blunt dans le rôle d'ailleurs, et j'avais aimé la fin, même si la fin on tombait un peu dans le côté spectaculaire, un peu qui était pas utile en soi, mais je trouvais que c'était quand même bien exécuté, et le plan final je l'avais trouvé génial. Par contre là, est-ce que j'ai besoin d'une suite, est-ce que j'ai envie d'une suite? Non, en fait, enfin je vois pas trop l'idée. Et si on se réfère un peu justement aux quelques personnes chanceuses qui l'ont vu en projection presse, tous semblent dire quand même que c'est pas forcément c'est un film qui est utile en soi. C'est pas nécessaire. Alors, il y en a qui trouvent que c'est mauvais, mais il y en a qui trouvent que c'est sympa, mais ça n'a pas vraiment d'utilité, quoi. Et moi, j'aimais bien dans le premier qu'on nous dise pas non plus le pourquoi du comment. Ouais. Parce que je pense que ça va être amené par des scènes de dialogue qui vont s'étirer. Je sais pas combien de temps ils durent d'ailleurs. Mais le premier n'était pas si long que ça. Il était quoi, 1h40 le premier ? Il me semble, oui. Ouais, à peu près. Mais je crois... Enfin, j'ai pas tellement envie... Après, ça peut être sympa, bon, même si t'as pas spoilé, mais par rapport à l'intrigue du 2, on se doute bien de la fin du 1. Après, de gérer ce deuil-là, on va dire, ça peut être intéressant en termes de psychologie. Par contre, en termes d'horreur, j'ai peur qu'avec le budget en plus, tout ça... Surtout que je crois que c'est le réal qui a dit qu'il était pas con de faire un troisième film. Oui, oui. Donc, ouais. C'est vrai que moi, je trouve toujours con que quand on fait un deuxième... S'il n'y en a pas de troisième après, je trouve toujours que ça fait un peu... ça fait inachevé, quoi. Voilà, c'est psychorigide. Non, mais soit ça... Soit t'as un film seul, soit t'as un deuxième, mais après, il faut une trilogie, en fait. Si t'as vraiment une histoire à raconter, je trouve que... Bah, dis ça à Guy Ritchie pour Sherlock Holmes, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai, hein, moi j'attends toujours un troisième. Bah oui, c'était bien Sherlock Holmes, en plus. D'accord. Donc, pas si emballé que ça, Morgane. Non, mais la curiosité est là quand même. Mmh, ok. Bon. De toute façon, on sait même pas quand on le verra, du coup. Donc... Oui, c'est ça. Donc, c'est... Et Eddie, du coup, toi bah, c'est à peu près la même chose. Ouais. Oui, bah, j'avais bien aimé le premier aussi. J'avais trouvé ça bien foutu et assez immersif. Donc, moi, ça m'avait bien plu. Ça changeait, en fait, c'était vraiment ça reprenait beaucoup des codes du genre de l'horreur, mais vraiment dans un univers très qui était assez singulier, donc du coup dans une ambiance en tout cas qui était assez singulière, en tout cas. C'est sûr, ouais. Et la suite, bon, après on sent bien qu'elle est là pour le fric, hein, clairement, mais après s'ils ont pu développer quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, mais non, j'ai pas une attente de ouf là-dessus, quoi. Après, je la verrai certainement avec plaisir quand elle sortira, si elle sort. Enfin, elle sortira, mais... Bah oui. Elle sortira, mais il faudra que ça se tasse avant. C'est sûr. Donc, non, je ne sais pas. On verra. Ok. Moi, je ne suis pas non plus super emballé. Le premier, j'avais aimé sans plus, parce que je pense qu'on l'avait un peu trop survendu. Et puis je l'avais vu vraiment en fin d'année pour finir les tops et tout ça, et du coup il s'est un peu mélangé avec d'autres films que je trouvais un peu mieux, mais je le trouvais pas si mauvais que ça, hein. C'est juste que je l'ai trouvé je l'ai trouvé original pour certaines parties, mais un peu plan-plan, justement sur cette fin dont tu parlais, Morgane, qui revient un peu dans le classicisme, quoi, de l'actionneur un peu, donc voilà. Mais du coup, cette suite, moi je l'attends pas plus que ça. J'ai trouvé que les images étaient quand même assez intéressantes, visuellement ça a l'air plutôt bien. Après c'était une grosse part du premier aussi qui était bien réalisé, donc je doutais pas des capacités de John Krasinski à faire un film qui était tout aussi plaisant à regarder avec son deuxième, quoi. Mais c'est plutôt l'histoire où j'ai un peu plus peur de voir ce que ça va dévoiler, et surtout le fait de dévoiler un mystère comme ça, il faut vraiment pas décevoir, parce que c'est surtout, enfin, tous les spectateurs s'imaginent des choses peut-être un peu différentes ou ont des hypothèses, etc. Et si ça correspond pas vraiment aux attentes des spectateurs, ça va plus décevoir qu'autre chose, je pense. Donc il faut vraiment que son scénario soit blindé et qu'il ait des explications. Du coup, s'il veut vraiment donner des explications, qu'il laisse pas des portes des portes ouvertes, quoi, vraiment. Donc c'est... On verra bien ce que ça donnera. On passe à la suite, du coup, avec des news sur Star Wars. C'est par rapport à une nouvelle trilogie Star Wars qui est prévue pour 2022, 2024 et 2026. Elle peut pas être repoussée, elle, aussi. Bon, ce sera les prochains films, donc on a encore 2 ans pour être tranquille. Non, mais c'est vrai que 2 ans sans Star Wars, ça va déjà faire du bien, je pense. Ça va faire une pause, même si avec bien sûr il y a Disney Plus à côté et qui va avec leur série plus Clone Wars qui reprend. On n'a pas fini d'en bouffer, mais au moins au cinéma pour l'instant, c'est sûr que jusqu'en 2022 on n'en aura pas. Donc voilà. Cette nouvelle saga sera située dans la période qui est dite de la Haute République, une période qui est chronologiquement située 400 ans avant la saga Skywalker, donc les épisodes 1 à 9. À cette époque, Yoda était encore un maître Jedi qui n'était pas le vieux maître qu'on a vu dans l'Empire Contre-Attaque. On rappelle que les créateurs de Game of Thrones ont abandonné leur projet de film Star Wars, que la trilogie préparée par Rian Johnson est pour l'instant assez floue. Il y a une rumeur qui parle de Leata Kalogridis, qui avait écrit Alexandre de Oliver Stone, qui écrira sûrement un des films de cette nouvelle trilogie qui se passera 400 ans avant l'époque Skywalker. Et le réalisateur n'a pas encore été annoncé. Ça fait du nouveau Star Wars, des choses qui auront... J'espère plus rien à voir avec les Skywalker, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Est-ce que, Eddie, toi, t'es emballé à l'idée de voir quelque chose qui est complètement antérieur et qui n'aura quasiment rien à voir avec ce qu'on a vu déjà au cinéma avec la saga Skywalker Star Wars? Ouais. Je pense que c'est vraiment la direction à prendre, en fait. Voilà, je pense qu'il faut... Enfin, c'est l'une, en tout cas, des bonnes directions à prendre. Je pense que oui, c'est bien de se détacher des Skywalker, mais de continuer à parler de l'univers Star Wars parce qu'il est intéressant. Et puis il a toujours un potentiel énorme de toute façon. Donc je pense que oui, c'est bien. Après, faudra que les films sachent aussi se détacher des Star Wars et ça passera visuellement. Et ça passera par plein de choses, même dans la mise en scène. Je veux dire, les fondus, transitions à la Movie Maker, faudra laisser, faudra arrêter ça. Le texte défilant au début, peut-être qu'il faudra, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, éventuellement, et puis basta, quoi. Ouais, ou le réinventer complètement. Enfin, tu vois, Oui. C'est pas obligé de faire à chaque fois la même chose. Bon, je pense qu'ils étaient un peu obligés sur la saga Skywalker parce que c'était un peu la tradition, quoi. Mais justement, le fait de casser tout ça et de repartir 400 ans avant ou... Mais sur les Star Wars Story, comment ils ont fait s'il y a pas de texte défilant. Dans Solo, il me semble... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le texte, mais il doit y avoir le petit texte en bleu au début. Oui, ouais. Ça, ils avaient conservé, je crois. Et c'est suffisant. Ça, tout de suite, voilà, ça pose. Voilà. On sait où on est. Oui, c'est sûr. Mais on parle pas forcément de. De la famille Skywalker. Ouais. Et ça se ressentait. J'en ai parlé quand on parlait du 9e. C'est vraiment l'éthique les traditions de la façon dont réaliser Star Wars. Ça commençait à montrer ses failles déjà avant. Mais là, je trouvais que c'était le 9, c'était le paroxysme, quoi. Vraiment. Moi, personnellement, j'en pouvais plus du montage comme c'est fait, de la façon dont tout est. Même les dialogues qui sont très je sais pas, la façon dont les personnages parlent, c'est très archaïque, je trouve. C'est plus il faut vraiment dynamiter tout ça et faire quelque chose de complètement différent. C'est vrai que George Lucas sur la prélogie avait quand même réussi à proposer en tout cas des univers visuels différents, c'est sûr, mais vraiment tous différents les uns des autres. Et puis il avait aussi fait l'effort de, même si ça se passait juste quelques années avant, la technologie était quand même un petit peu différente par rapport aux 4, 5, 6. Oui, il y avait une cohérence en termes d'univers. C'est ça. Et que du coup, personne, là, du coup, je pense, reproche quand même à... Même ceux qui n'aiment pas forcément la prélogie, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une cohérence d'univers dans Star Wars qui fonctionne. Ça, tu peux pas le qui fonctionne bien. Reprocher, quoi. Non, c'est sûr. Et du coup, le fait que ça se passait quelques années avant et que déjà il y avait des gaps technologiques aussi importants, là, c'est 400 ans avant, donc il faut vraiment marquer le coup et réinventer la plupart des choses. En essayant de partir justement des modèles, par exemple des vaisseaux et tout ça, qui sont montrés dans ces neuf films du coup. Saga quoi. Voilà, ça, c'est clairement saga. Et puis vraiment essayer de deviner ou d'essayer d'inventer la chose qui est partie de ça quoi. Enfin vraiment comment on a après pu faut évoluer pas non plus de... aller sur quelque chose de très archaïque hein, faut pas oui bien sûr faut pas ça, en sûr. Faire un univers médiéval ou non mais c'est non mais je veux dire il faut rester cohérent quoi. En 400 ans d'évolution ça se passe 400 ans avant, ben on suppose que forcément ils ont certainement des technologies un peu moindres, mais c'est ça. Mais après voilà, ça reste quand même des voyages dans l'espace et oui bien sûr non mais c'est clair mais juste même au niveau de la du visuel déjà ça serait pas mal et puis voilà donc voilà non c'est clair que moi personnellement ça pourrait beaucoup plus m'intéresser que ce qui était devenu la saga Skywalker du neuf quoi de l'original voilà c'est ça. Morgane, toi intéressé ou pas du tout? Ou t'en as marre de voir du Star Wars? Non, c'est pas que j'en ai marre. Enfin, en tout cas, j'en ai marre du dernier. Ouais. D'ailleurs, le dernier est sorti tout de suite en digital, à l'heure où je vous parle, à cause du coronavirus. Et ouais, ils l'ont à Disney. On dit bon, on le sort maintenant, digital. Bon, bah voilà. Pour ceux qui sont en tout cas, il est pas sur Disney Plus, hein, parce que j'y étais avant. Il est pas encore dessus. Donc, non, mais j'ai vu qu'ils avaient fait le même coup avec Frozen. La Reine aussi. Des Neiges 2. Ouais. Et lui, il doit arriver sur Disney Plus prochainement. Du coup, ouais, je suis très rapidement pour le revoir. Et par rapport à Star Wars, moi, je vous ai écouté. Pour le coup, autant je suis un peu lassé de ce que c'est devenu, mais je ne veux pas non plus perdre cette musique, ce texte déroulant. Ça fait partie même de Star Wars et ça m'embêterait de plus le voir. Mais je pense que Star Wars, justement, c'est pas que ça et c'est bon. Je fais un parallèle avec. Mais tu vois, il y a plein de gens qui bon, c'est les jeux vidéo, c'est autre chose. Mais il y a plein de gens, par exemple, qui n'aiment pas, par exemple, le dernier Assassin's Creed, Odyssey, parce que ça se passe. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de lame secrète, par exemple. C'est même pas des assassins, c'est des mercenaires. Mais ça se passe 400. Ça, voilà, c'est combien c'est... Le premier se passe en 700, quelque chose comme ça. Non, le premier, c'est après l'an 1000. Les Templiers, c'est après l'an 1000. Non, pardon, Mais bon, il y a quoi, on va dire, il y a 4-5 siècles qui séparent le Odyssée du premier Assassin's Creed. Et c'est vrai que les gens, du coup, ouais, mais c'est pas un Assassin's Creed, il n'y a pas de lame secrète, il n'y a pas la capuche d'assassin, machin. Mais après, est-ce que. C'est pas. Une saga n'est pas forcément vouée à être que ce qu'elle a été au départ, non plus. Mais il y a des trucs qui sont tellement iconiques. Et je pense que ce serait dur de passer. Même moi, quand j'ai vu les Star Wars. Les Star Wars Story là, outre la qualité des films qui est discutable, notamment pour un, mais c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de pas voir parce que c'est vrai que voilà la musique de John Williams, le thème de John Williams, ce texte déroulant, enfin ça donne tout de suite, c'est limite ce que j'ai préféré quand même dans le dernier. Hein. Donc, après moi j'ai pas eu la sensation de ne pas être dans un Star Wars. Hein. Mais... Non, sans avoir. Alors forcément cette sensation là, mais on voit, oui, parce qu'on revoit. On voit Dark Vador à un moment, puis bon, c'est tellement lié entre deux films, même Solo, mais bon, c'est vrai que oui, Solo, il y a plein de trucs qui faisont, il y a Faucon Millennium évidemment, mais il y a Chewbacca, mais c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui auraient pu ne pas faire Star Wars, et pourtant, j'ai pas eu la sensation dans un autre univers que celui de Star Wars. Je pense que Star Wars a une patte suffisamment forte pour pouvoir s'émanciper de certains de ses codes, mais tout en conservant son âme. Je veux dire, un Star Wars, en termes d'univers visuel, en termes de narration, en termes de plein de choses, un Star Wars, c'est pas un Star Trek, quoi. Non, mais c'est un peu comme, par exemple, X-Files, qui est revenu, même si les dernières saisons n'étaient pas top, mais moi, si on m'avait dit « t'auras pas ton générique », Mais non, je refuse. X-Files, c'est le générique. Et je pense que Star Wars, c'est un symbole. Enfin, c'est des petits symboles. Après, effectivement... Après, là, c'est différent, faut... Morgane. T'es sûr de la continuité. Là, on parle d'un truc avant. Et puis, il y a une volonté, quand même, de se détacher de l'histoire des Skywalker. Sûr. Et les oui, textes défilants servaient aussi à parler de tout ce qui allait graviter autour des Skywalker. Alors que là, a priori, hormis la fondation d'un possible ordre Jedi, il y a... Voilà, ce sera le seul lien, mais avec la distance qu'il y aura dans la timeline entre ces nouveaux films et puis ceux qu'on connaît déjà, je pense qu'ils peuvent se permettre justement. Ils le feront. On verra après, Yoda certainement, parce que Yoda est très vieux. Bah oui, oui. Mais c'est ce genre de détails qui suffiront à. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on est bien dans un Star Wars. Sachant tout ça, mais ah oui, en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà. Et c'est là-dessus, moi, que j'ai envie d'être surpris. C'est ah, d'accord, ouais. Ok, c'est amené comme ça, ouais, pourquoi pas. Ouais. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est peut-être plus un film centré sur des humains, mais oui, sur ça des, peut être sur des aliens, races extraterrestres. Enfin, je veux dire, on a l'impression de parler que d'humains dans Star Wars, alors qu'il y a tellement de trucs, tellement de races aliens qui gravitent autour et qui ont l'air super intéressantes, tu vois. Et ce serait le bon moment, justement, de complètement dynamiter tout ça et faire un truc, repartir sur des bases saines. Enfin, voilà, ça c'est mon avis, mais... oui, non, c'est clair. Ouais, voilà. Moi, ça me choquerait pas non plus, hein. Et ce serait trop bien, franchement. Non, mais et surtout qu'ils ont réussi à le démontrer, parce qu'il y a plusieurs séries Star Wars où, justement, il y a des personnages qui sont finalement, au fil dans des saisons, pas si secondaires que ça. Mais dans Clone Wars, je crois que la Padawan de Anakin, elle a pris une place importante et il y a beaucoup c'est de gens qui adorent le personnage principal, hein, au bout d'un moment. Ouais. Donc oui, non, ils ont montré qu'ils pouvaient le faire, même dans les jeux vidéo Star Wars, hein, tout ça. Donc, le dernier, s'il a autant plu, Fallen Order, là, non. Non. Je sais plus comment il s'appelle, le dernier sorti chez Electronic Arts, là. Ouais. Il a énormément plu, mais parce que justement, hormis le fait que l'héros soit un Jedi, tout le reste, c'est effectivement, on va retrouver des Stormtroopers, on va retrouver des éléments, mais c'est pas une histoire liée au Skywalker, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Voilà. On va passer à la suite, mais c'était intéressant de parler de tout ça. Quelque chose de... On va pas parler vraiment de film, mais de manière de faire un film. Et il y a quelque chose qui est intéressant, qui s'est passé justement avec la Warner. Selon le Hollywood Reporter, la Major Warner vient de signer un partenariat avec une société du nom de Cinelytic, dont le but est de fournir à Warner une aide à la décision apportée par un algorithme au cours du processus de production des films. Pour être plus précis, la plateforme fait une analyse prédictive. Elle peut tout aussi bien évaluer la valeur d'un acteur à actrice en fonction des pays jusqu'au potentiel chiffre d'affaires que l'œuvre sera susceptible de générer. Ça a été créé il y a 4 ans par un homme qui s'appelle Tobias Kesser, par la société Cinelytic, et ils ont lancé une bêta de cette plateforme il y a 3 ans. L'idée est notamment de réduire le temps que les cadres passent sur des tâches répétitives et de fournir des paramètres supposés fiables pesant sur les décisions commerciales comme la date de sortie d'un film. Cette plateforme sera très utile, souligne le Hollywood Reporter, dans le cas des enchères pour acheter les droits de distribution d'une œuvre projetée dans le cadre d'un festival où les majors sont obligés de jouer rapidement des coudes à coups de millions de dollars pour faire acquisition de l'œuvre en question. Évidemment, cette plateforme ne sera pas capable de trouver le film infaillible pour la major, pour que chaque film devienne milliardaire au box-office, c'est pas encore, faut pas encore rêver. Mais pour l'heure, seules les activités internationales de Warner sont concernées. Le groupe précise qu'il s'en servira essentiellement pour la distribution. Quant aux créateurs de l'invention, ils s'empressent déjà d'éteindre les éventuelles inquiétudes en disant que l'intelligence artificielle peut sembler effrayante, mais en l'état, une intelligence artificielle n'est pas capable de prendre une quelconque décision en matière de création. Pour des décisions qui relèvent de l'aspect créatif, l'expérience et les tripes sont toujours nécessaires. Voilà, c'est à peu près tout ce qui se dit là-dessus. Pour moi, je voulais parler de cette news parce que ça me paraît vraiment... Enfin, c'est un tournant, clairement, dans la façon de faire des films, même si pour l'instant, c'est juste dans le choix d'un scénario ou quelque chose. Enfin, quel acteur sera plus susceptible de rapporter enfin sera plus susceptible de rapporter plus d'argent, clairement, hein, c'est le but de d'avoir acheté cet algorithme, c'est clairement de faire le plus d'argent possible. C'est encore assez balbutiement, mais ça commence déjà à être plutôt en bonne voie, enfin en bonne voie entre guillemets, pour devenir quelque chose qui clairement va prendre le pas des décisions, enfin va vraiment prendre les décisions créatives dans quelques années, c'est quasiment sûr. Donc voilà, c'est plus voilà, je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus. Si pour vous ça vous fait pas peur justement d'avoir des machines qui décident quel film pourrait potentiellement plaire le plus au plus de monde, et du coup du fait devenir encore plus, enfin que les studios prennent encore moins de risques que ils le font actuellement en allant vraiment vers le coup sûr, quoi, et pas prendre de risques qui pourraient se révéler être un échec ou être payant dans certains cas. Voilà. Eddy, toi tu penses quoi de ça? Moi je pense que c'est une erreur sur toute la ligne, en fait, parce que ça va complètement à contre-courant de tout ce qui peut caractériser le cinéma, en fait, dans son essence la plus profonde. Et je vais encore parler d'Alexandre Astier, mais pour moi, voilà, quand il dit qu'il faut donner aux gens ce qu'ils pourraient avoir envie de voir et pas forcément ce qu'ils ont envie de voir. Je pense que là, clairement, on est complètement dedans, à l'opposé de ça, et c'est une connerie monumentale, parce que les gens sont, plus de surprise du tout. C'est clairement une mauvaise décision. Pour moi, c'est non, au contraire, ça fait peur. Et j'espère qu'ils se casseront la gueule, du coup, en utilisant ça. C'est le studio qui a acheté ça. Ouais. Et c'est possible que si ça fonctionne, les autres studios aillent vers ce genre de technologie, quoi. Et tu disais Warner, du coup, actuellement, c'est pas non plus le studio qui est le plus en forme. Alors, il fait partie, hein, Warner, Universal et Disney, évidemment. C'est vraiment les trois firmes qui s'en sortent le mieux, hein. Ouais. Oui, c'est sûr. La Paramount va très mal. Enfin, il y a vraiment Sony. Oui, Paramount, Sony. Ouais. Tout ça se passe pas très bien. Eux font partie des studios qui vont pas trop mal, mais après Warner, ça reste assez relatif. On peut pas dire que son DC Universe soit une réussite totale, c'est ça. Mais par contre, après, voilà, ils arrivent toujours à se ramener de l'argent par-ci, par-là. Mais c'est vrai que pour certains films, je dis pas, je pense qu'il y a peut-être certains films où ils arriveront quand même avec cet algorithme à donner des choses qui pourront être intéressantes. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'univers, comme ils veulent le faire avec DC Comics et tout ça, il n'y a pas de... Enfin, là, je pense que ça va tuer le truc, quoi. Oui, c'est clair. Ça va finir d'enfoncer le clou. Ouais. Morgan ? Je suis de l'avis d'Eddy, en fait. Pour moi, c'est pas pertinent, moi, ce truc-là. Je pense pas qu'ils peuvent se baser sur... Pour moi, ça repose sur rien, en fait. Il y a rien de solide sur cette idée-là, quoi. La manière de procéder, oui, mais dans le fond, je pense que ce qui... peut en ressortir par rapport à leur choix de production, de réalisation, tout ça, je pense pas que ça va vraiment épouser ce qu'on... Enfin, je pense pas que ça va aider quoi que ce soit, en fait. C'est une idée, ils ont peut-être envie, voilà, ils veulent expérimenter, pourquoi pas, mais pour moi, ça va vite s'effondrer, quoi. D'accord, c'est ok. Obligé. Donc, t'es assez optimiste, quoi, sur le truc. Non, puis ça manque d'instinct, en fait. Ça manque de ça manque de chaleur humaine aussi. C'est qu'il y a pas de le cinéma, ça peut pas juste être il y a aussi un mélange de spontanéité et de un flair, de... quoi. Voilà, c'est ça. Et beaucoup des meilleurs films, je pense, qui ont été faits jusqu'ici relèvent aussi de ça. C'est parce que il y a des acteurs qui ont eu qui ont eu l'idée d'improviser à tel moment. Il y a des réalisateurs qui voulaient absolument tel acteur parce qu'ils savaient que c'était ce qu'il fallait. Les studios ne voulaient pas suivre. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Et je pense que vraiment, l'algorithme, lui, n'offrira pas en fait cette liberté-là. Et puis, cette démarche-là, en fait. Et on ne sera pas sur quelque chose de sain en termes de production. On sera vraiment que sur du... Là, on est vraiment plus dans de la création, mais seulement dans de l'industrie. Et on pensera vraiment plus, oui, en termes de création. On pensera vraiment que en termes de profit. Sauf que je pense que le cinéma, pour continuer à être ce qu'il est et puis à être vraiment pertinent, faut aussi le penser comme un objet créatif et pas juste comme un objet... financier. Financier et lucratif. Lucratif, voilà. Oui, de toute façon, si on part sur ce principe-là, oui, je pense pas qu'à l'époque, si vraiment tout se basait sur ce concept-là, on n'aura jamais eu Titanic, par exemple. Je connais personne dire ah ouais, non, c'est obligé que ça, Titanic, c'est l'œuvre d'un mec qui avait envie, qui avait une ambition derrière, et que c'est pas une machine qui aurait pu, enfin voilà. Surtout qu'à l'époque, quand Titanic est sorti, 2 jours avant sa sortie, les studios, ils ont dit on se prend un mur, ce film-là, c'est un échec. Donc mais Cameron il croyait en son truc et c'est non il y a il y a qu'un Cameron humain il s'est pouvoir... quasiment ruiné pour faire son film hein. Puis même à chaque fois Cameron de toute façon Terminator 2 c'était pareil hein. Il s'est bien rattrapé Terminator après 2... hein. Ouais c'est clair donc mais je suis du même avis que vous ça pour l'instant c'est... fausse bonne idée voilà c'est ça et puis pour l'instant c'est stade expérimental mais on faut surveiller parce que ce genre de truc ça peut vite décoller et puis devenir la norme quoi et ce serait vraiment dommage pour le cinéma quoi en tout quoi parce que c'est vraiment du coup il y aurait plus que les films indépendants qui seraient intéressants. Il y aurait plus rien des studios qui bon, serait... c'est un peu le cas actuellement. Oui mais il y a quand même des petits soubresauts, enfin tu vois ce que je veux dire, de temps en temps il y a un film qui sort d'un gros studio, que ce soit Disney ou Warner ou autre, et qui nous fait dire finalement il valait le coup quoi, et c'est souvent des œuvres qui coûtent de l'argent à faire et que le cinéma indépendant ne peut clairement pas produire, donc c'est clair que faut suivre ça, mais ouais c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Passons à la suite, du coup, avec la bonne annonce de Pinocchio, de Matteo Garrone, qui a fait Dogman il y a 2 ans. Encore un film de super-héros. Non, c'était pas un film. C'est pas ça, Dogman. Non, j'ai cru. Non. Il avait aussi fait Gomorra, le film, en 2008. C'est des films que j'ai pas vus, mais qui sont apparemment très bons. Matteo Garrone s'attaque à Pinocchio. C'est un cinéaste assez prolifique. Hein. Dogman avait reçu pour son acteur principal à Cannes le prix d'interprétation masculine. Il avait fait surtout Tale of Tales en 2015. Tale of Tales, ouais, en 2015. J'étais totalement passé à côté. Je n'ai pas vu. Non. C'est particulier, mais ça plaît, hein. Comme Dogman, hein, tout ça. Hein. D'accord. Par contre, Gomorra, t'as dit que c'était en quelle année ? 2008, quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai cru que t'avais dit 2018. Non, 2008. Il a annoncé que, enfin, il a raconté lors d'une interview récente que ses films ont un lien avec les contes de fées sombres. Gomorra très proche d'un conte de fées sombre, tout comme Tale of Tales dans Dogman aussi, mais d'une manière différente. Pour ce film, je suis parti d'un fait réel pour le transformer et recréer mon propre conte sombre. Pinocchio là dans cette bande-annonce, on va en parler un petit peu après, est interprété par sous les traits du jeune acteur Federico Lelapi. Ce dernier croisera sur sa route tous les personnages bien connus tirés de l'œuvre de Collodi, de la fée aux cheveux turquoise au renard en passant par le chat. Garrone, fidèle à son style, s'éloigne complètement du coup de l'imagerie Disney pour livrer un long métrage fantastique empreint de noirceur, baignant dans une inquiétante étrangeté. Du coup, au niveau casting, on a aussi Roberto Benigni qui incarne Geppetto, donc le papa de Pinocchio. Le célèbre comédien avait d'ailleurs interprété lui-même le personnage Pinocchio, du coup, dans sa propre dans adaptation. Dans un film, qui, voilà, qu'il 2003. Avait réalisé, ouais. Qui était très mauvais, c'était pas bon du tout. Ça, moi, je l'ai pas, non, je l'ai c'est pas vu. Bien. Mais, c'est juste pas bien. L'affiche m'a suffi à pas avoir envie de le voir. Non, puis même lui, Roberto Benigni en Pinocchio, c'est pas une bonne idée non plus, quoi. C'est ouais. Pas... Oui, ouais, ouais. C'est, il c'est réalise, enfin, c'est un bon acteur au demeurant, hein, et un bon réalisateur. La vie est belle, forcément, la vie est mais belle, effectivement. Voilà. Mais ouais. Non, en Pinocchio, ça le fait pas. En Geppetto, ouais, ça. Et puis, ouais. c'est quand même le grand retour de Benigni sur grand écran, parce qu'on l'avait pas vu depuis 2012 dans Tout Rend Me Love de Woody Allen, ouais. C'est vrai qu'il était dedans, lui. Oui, c'est vrai. Il était très bien, d'ailleurs, dedans. Ouais, moi, il était drôle. Ouais. Et juste pour rappeler, Pinocchio, donc ça continue d'inspirer le cinéma. Et, pour rappel, au niveau des projets qui sont à venir, il y a Guillermo del Toro qui travaille toujours en ce moment sur l'adaptation du conte en stop motion pour Netflix. Oui, ça a l'air trop bien. Disney aussi serait sur le qui-vive pour faire une adaptation live action avec Tom Hanks en Geppetto. Et c'est pas fait par Zemeckis aussi, ça, non? C'est des rumeurs pour l'instant. Ah bah, mais c'est t'imagines, Zemeckis à la Real et Tom Hanks en Geppetto, mais oui! Et il y a aussi y a des rumeurs comme quoi Warner essaierait d'élaborer son Pinocchio avec Robert Downey Jr. dans la peau de Geppetto. Donc voilà, le film devait sortir le 18 mars en salle, ça a été repoussé à une date inconnue pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant on n'a que la bande annonce pour on peut voir l'affiche. Voilà, c'est ça. La bande annonce, vous l'avez vue. Morgane, toi tu en penses quoi? Est-ce que t'es curieux de le voir, ce film? Et moi, Pinocchio, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors déjà, j'ai découvert dans le Disney, mais il y a surtout le film Pinocchio de 1996 de Steve Barron, ouais. Avec Martin Landau et Udo Kier, qu'on a vu entre autres chez Lars von Trier, enfin plus récemment. Et c'est une adaptation qui, alors ça a des airs un peu enfantines, mais franchement quand on voit le film, il y a des moments qui, je pense, si je revois le film là aujourd'hui, je pense que je flipperais autant. Il y a des grands moments de trauma et je trouve que le film est assez ambitieux et très très très très glauque, quoi. Moi, quand j'étais petit, l'affiche m'a traumatisé, donc mais le film c'est encore pire, hein. Film c'est encore pire parce que dans des cauchemars. Je pense à une scène notamment où le personnage Udo Kier, en fait, c'est lui le grand méchant de l'histoire qui, en gros, veut exploiter les marionnettes, tout ça. Il meurt à mi-parcours et c'est lui qui se transforme en Monstro. Et la scène où il se transforme en baleine, c'est incroyable puisque du coup, Monstro, il est personnifié. On se dit que quand Monstro bouffe Pinocchio, il le fait pour une raison, en fait. Et la scène est tellement flippante, mais on verrait plus ça aujourd'hui, hein. D'accord. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après la caution Benigni en Geppetto, ça me motive. Je mise moins quand même sur le réalisateur, même s'il est très coté. Là j'ai vu que Tale of Stay de lui et ça a pas marché des masses sur moi, ouais. Même si il y a quand même un côté conte. Et on sent qu'il est légitime pour faire Pinocchio. Je pense qu'il va apporter éventuellement quelques nuances à l'histoire quand même. Oui. Je pense pas qu'il va faire une adaptation très comme le Pinocchio de 96 d'ailleurs. Par contre, justement, dans le dernier première, ils font une interview du réalisateur et il disait qu'il voulait coller au maximum au livre de Collodi, Carlo Collodi, qui était écrit en 1881. Je sais pas s'il va se permettre des fantaisies au niveau de l'histoire, en tout cas. Il va rester, je pense, très fidèle. Mais... Bon, après, c'est pas plus mal, puisque de toute façon, le film de 96 était pas fidèle non plus. Non, et puis le Disney n'est pas fidèle non plus, donc... Aussi. Donc, après tout, s'il se colle une adaptation fidèle, pourquoi pas. Après, le Disney n'est pas fidèle, mais ça ne l'empêche pas d'être hyper glauque. Oui. C'est clair. Le Disney, il est... Même si ça reste un excellent film, hein, je trouve. Hein. D'ailleurs, et par rapport à ce film-là, j'avoue un truc... Le design du Pinocchio, je le trouve flippant. Mais glauque flippant. Il ne me rassure pas du tout. Ah, il a une sale tête. Dans le nouveau. Moi, je le trouve bien fait. Et... Et je sais pas, moi, il me fait moins flipper que le Pinocchio de 96, en tout cas, avec ses gros yeux, là. Non, il était mignon. Il ressemblait d'ailleurs à un de mes... Alors, pour le coup, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'avais un ami à l'école, en primaire, il ressemblait carrément à Pinocchio, mais le même, mais version pantin. Hein. Et tout le monde l'appelait Pinocchio, vraiment. Ah, le pauvre. Ah ouais, vraiment, mais c'était le même, c'était vraiment le même, voilà, il s'appelait Alvin, si tu m'écoutes. Ah ouais, oh putain, mon dieu, ouais. Ah, sa mère l'a pas aidé, hein, pour le coup. Mais sinon, non, le design du Pinocchio, il me fait un peu penser à un personnage de Tekken 3, là, qui ressemble à une espèce de... Bah, t'as joué à Tekken 3, toi, ouais, Axel. Ouais, je vois, je connais plus son nom, mais je vois de qui tu parles. Voilà, on dirait lui. C'est trop, c'est flippant. Oui, mais en soi, j'attends de le voir quand même parce que. Parce que c'est. Voilà, c'est Pinocchio, j'aime ce personnage, j'aime cet univers-là. Et puis en plus, c'est l'Italie. Puis oui, en plus, c'est un film italien. Il galère un peu, les Italiens, en ce moment, donc on va leur donner un peu de soucis. Ouais, big up aux Italiens, comme on dit. Ouais, c'est la fête pour eux. Forza. C'est la fête pour eux. Mais... Les pauvres. Non, mais... Bah, c'est bien, et au moins, ils se laissent pas abattre, ils changent mais en fenêtre, mais ils ont mais raison, c'est trop bien. C'est une belle manière de... Je vais aller là-bas, moi. Ah ouais. Non, c'est vrai. Tu vois les petites ruelles d'Italie là où tout le monde chante à sa fenêtre. En même temps, c'est un beau. Donc ça a foutre. C'est un beau temps. Pied de nez à cette épidémie là qui fait chier. Ah parce que nous en France, on dévalise les magasins, on prend les pâtes. Ah non, mais nous, c'est chez nous, c'est la. Mais c'est les pâtes et les papiers toilettes. Eux, ils chantent aux fenêtres. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, hein. Ouais. Ah bah eux, ils peuvent pas sortir de chez c'est eux. C'est ça. Oui, mais oui. C'est ça le truc. Donc, bref, du coup, pour reparler de Pinocchio, moi. Je l'attends. Ouais, moi personnellement aussi. Surtout le fait que ce soit un long métrage italien, puisque actuellement les adaptations de Pinocchio en Italie c'était principalement des séries qui étaient à la télévision, puisque le bouquin à la base était publié dans un journal toutes les semaines, il y avait une nouvelle histoire de Pinocchio, et d'ailleurs elle avait tellement de succès que Collodi en avait marre d'écrire. Au bout d'un moment, il a essayé de tuer Pinocchio, mais finalement, les gens n'étaient pas contents, donc il a dû le faire revenir, quoi. Donc voilà, c'était un truc assez intéressant que j'ai lu récemment. En tout cas, moi, cette adaptation, elle me tente beaucoup. Je trouve que le design du Pinocchio, il est super, super bien fait. Et je trouve qu'il n'est pas si flippant que ça, finalement. mais en même temps, c'est difficile quand même de faire un Pinocchio qui n'est pas flippant, je pense. Donc ils ont fait de leur mieux. Et non, franchement, moi, je trouve que l'ambiance aussi, la réalisation a l'air vraiment ambitieuse, quoi. C'est vraiment un film ambitieux. Et retrouver Roberto Benigni aussi au cinéma, c'est un plaisir, hein, totalement. Donc, ouais, moi, je suis très curieux de le voir. Et j'espère qu'il sort bientôt, quoi. C'est tout. Eddie ? Ah bah oui. Après, j'ai pas une impatience... énorme, mais je suis curieux, oui, de voir ce que ça peut donner. Ouais. Après, Pinocchio, c'est un personnage que j'aime bien, mais ça fait pas partie de ces personnages qui me passionnent non plus énormément. C'est plus le conte en lui-même que je trouve assez assez fascinant. Mais oui, pourquoi pas. Je suis assez curieux, puis bah oui, ne serait-ce que pour revoir Roberto Benigni. C'est clair. C'est toujours avec plaisir, donc. Ok. Je reviens ne pas avoir vu un film dans lequel il ne m'a pas. Soit ému, soit fait rire. Je pense que même Astérix et Obélix contre César, je l'ai trouvé drôle dedans. Donc, c'est vraiment un acteur assez phénoménal. Vive à la scène. C'est ça. Ok, bah super. On va passer à la suite avec. Axel. Ouais. Juste petite parenthèse. Le Festival de Cannes est annulé. Hein. Ouais. Je viens de le dire. Ah, c'est bon, sûr là. Ok. Apparemment, okay. Voilà. Bon. Info exclusive. Du bon, on n'est pas en direct, donc ça sert pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Oui, ben voilà, c'était à prévoir de toute façon. Du coup, chez Movisner, l'information. C'est ça. Putain, ah, génial. Il n'y a plus rien. Fini. Moi, je voulais. Du coup, on va parler de d'un film. Je parlais de film ambitieux italien et on va parler de film ambitieux français. Avec Kaamelott, le film, il y a Alexandre Astier qui a dévoilé le premier teaser en janvier 2020. Et du coup, le film, pour l'instant, aurait dû sortir le 14 octobre et a été finalement mis en sortie le 29 juillet. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, pour parler de ce petit teaser qui dure à peu près une minute, ça fait 10 ans que la série s'est arrêtée sur, sur M6, Kaamelott. Et ça fait 10 ans à peu près que Alexandre Astier tease une suite de Kaamelott au cinéma. Donc, voilà, on retrouve dans, dans ce petit teaser ben Perceval, Caradoc, Merlin, Léo Dagan. Mais également l'arrivée puis, de. Plein nouveaux, de, oui, nouveaux plein venus, d'autres mondes. Tels que Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, ou encore ben, plus surprenant Sting, pour ne citer que. Donc, pour l'instant, on n'a pas, pas vu Arthur. Lui-même, mais voilà, ce teaser. Enfin, moi déjà, j'étais impressionné par la production du truc. Oui. T'as vraiment l'impression d'être à l'époque de, enfin, de revoir un Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais avec des ambitions encore plus grandes quasiment. Vu déjà, on a l'impression de partir dans les quatre coins du monde. Et en plus, oui. On voit un petit peu de bataille médiévale et tout ça, c'est vraiment, au niveau de la réalisation, au niveau de la production, mais c'est vraiment impressionnant. J'avais vraiment pas l'impression de voir un film français, et on voit qu'ils ont... Bah, Alexandre Astier, il tient sa parole, c'est-à-dire que on a attendu 10 ans, mais au moins... c'était pas pour rien, quoi. C'est vraiment, il a mis tout ce qu'il a pu dans ce film. Ça se voit en tout cas dans ce petit teaser. Ouais. Et ben, ça a l'air d'être déjà d'une ambition complètement folle. Donc, moi, j'en parle un peu en tant que spectateur un peu distant, puisque je n'ai pas encore vu Kaamelott. Ça fait partie des séries qu'il faut absolument que je vois, qui me tentent énormément. Et en plus, j'adore Alexandre Astier, donc je sais que je vais adorer. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de le faire. Mais ça. Moi, j'attends toujours le coffret en Blu-ray. Personne ne semble décidé à me l'acheter. Mince. Je lance des messages depuis qu'il est sorti. Je lance des signes un petit peu à tout le monde. Bon, rien à Noël. Bon, j'attends mon anniversaire. Ouais, bah... Peut-être. Hein. En plus, ça, du coup, avant que le film sorte, du coup, hein, ce serait bien. Ça serait bien. Voilà. Moi, je suis très curieux de voir ça. De toute façon. Je pense clairement que j'aurais regardé toute la série avant qu'il sorte, d'aller voir au cinéma, ça c'est sûr. Je n'irai pas le voir tant que j'ai pas vu toute la série, voilà, je suis quand même très curieux et très impatient de le découvrir au cinéma, parce que rien que pour le fait que ce soit un film médiéval français qui sort au cinéma avec une telle ambition, même si ça a pas le nom de Kaamelott, pour moi ça m'intéresse déjà. Donc, et en plus ça a le nom de Kaamelott, et il y a Alexandre Astier derrière le projet, donc ça m'intéresse encore plus, quoi. Voilà. Eddy, toi, je sais que tu es quand même assez fan de Kaamelott. Voilà, j'étais obligé. Non, j'ai la boîte à Kaamelott sur mon téléphone, donc du coup, voilà. Non, je dirais surtout que la patience est un plat qui se mange sans sauce. Ça, c'est la seule phrase qui est prononcée dans le teaser. Voilà, c'est la seule phrase du teaser. Moi, j'ai dû le voir, je sais pas, une dizaine de fois d'affilée, je pense. Ouais. Impatience, level. Bah oui, t'as analysé tous les plans, t'as analysé tous les personnages et tout. Ouais, on voit plein de personnages, on voit plein de... Oui, il y a plein de petits éléments quand même qui nous sont dévoilés. On a quand même tout le casting de la série qui sauf qui Arthur. Revient. Enfin, pour l'instant, on l'a pas vu, mais, bon, il sera là. Forcément c'est là, mais c'est vrai qu'on revoit tout le monde. On voit même Christian Clavier qui jouait le je sais plus comment il s'appelle, mais enfin qui était dans la série dans les dernières saisons. Et il fait partie des personnages assez secondaires, mais qui sont là. Ouais. Donc oui, c'est vraiment... moi, je suis très, très curieux de voir là où il va nous embarquer. Et a priori, de ce qui en ressort, on serait pas... Est-ce qu'on serait vraiment sur... Les gens, au départ, pensaient qu'on serait sur la suite de la saison 6. Donc, comment, en gros, Arthur devient roi de Bretagne, comment il accède à ça. Mais non, on serait plus finalement sur la suite de la saison 5. D'accord. Ok, donc ça se passerait avant la saison 6. La saison 6 est plus une forme de prequel, en fait. Ok. Voilà. Et par contre, je pense qu'on sera vraiment dans le ton de la saison 5 et de la saison 6. On sera pas sur qui sont plus, on va être sur du format où il mélangera, parce que la saison 5 a quelque chose de très dramatique. Arthur, c'est vraiment un personnage c'est quelqu'un de, pas de brisé, mais qui est, c'est pas quelqu'un de torturé non plus, mais c'est quelqu'un qui vraiment il y a un fardeau quoi sur ses épaules, il ça c'est clair. Et mais Kaamelott est jonché de personnages comme ça. Lancelot, il devient fou quoi, Lancelot au final. Donc par exemple, donc faut pas juste voir Kaamelott comme quelque chose de drôle, c'est que c'est aussi des personnages qui ont vraiment tous une psychologie. Et je pense qu'il va aller là-dedans. Et moi, le ton de la saison 5 me plaisait beaucoup. J'ai eu un petit peu plus de mal avec celui de la saison 6, même si j'aime beaucoup quand même. Mais je pense vraiment qu'il va falloir s'attendre, à quelque chose plus de cette trempe-là. On va pas être sur la petite capsule de 3 minutes temps, et quelques où les blagues fusent. Non, mais il faut pas s'attendre. Enfin, Kaamelott, le premier volet, là, ce sera pas une usine à blagues constante, quoi. Ça va aussi raconter une vraie histoire, mais toujours, évidemment, avec ce côté décalé, avec Léo Dagan qui va te sortir des trucs, faut tout cramer, alors que personne ne parlait comme ça à l'époque. Mais on gardera cette ambiance-là, mais avec un vrai fond, et c'est ce qui, je pense, va rendre le truc assez génial, quoi. Donc, et en termes de réalisation, pour le peu qu'on a vu, ça a quand même pas l'air dégueulasse. Donc, c'est très bien. Et moi, j'ai toute confiance en Alexandre Astier, en fait, aussi. Parce que il a su montrer ses talents de réalisateur, ses talents de metteur en scène. Je veux dire, ces deux spectacles sont absolument parfaits. C'est vrai. Donc, au-delà du cinéma, je pense qu'il a démontré ailleurs et même c'est Astérix, de quoi il était capable. Même s'il y a les Astérix, avec oui. Il joue une grosse part dans la réalisation du film, donc. Oui, là, moi, je l'ai pas revu, je l'ai revu un peu en diagonale, le secret de la potion magique. Ouais. Mais il y a une vraie dramaturgie aussi, même dans un dessin animé comme ça. Il y a vraiment il y a quelque chose quand même qui est, c'est à la fois complètement barré, mais en même temps assez plein de sens souvent. Donc, moi, je suis très impatient là. Super. Morgane, toi, ton avis? N'ayant pas la fibre Kaamelott, c'est pas parce que je n'aime pas, c'est parce que j'ai jamais, j'aime bien mais modérément, on va dire. Je suis vraiment pas un fan vraiment absolu. Après, j'ai pas vu la série en intégralité en fait. J'ai vu quelques pastilles évidemment, mais j'ai pas ce rapport là à Kaamelott, on va dire. Je me suis pas approprié le truc comme beaucoup en fait. C'est vrai que Kaamelott, c'est une communauté, C'est très ancré dans notre culture en tout cas dans populaire française, dans une communauté. Moi, c'est vrai que bon, en termes de pastilles, ça a rien à voir, mais je suis plus un gay une fille par exemple que Kaamelott, quoi. Je suis plus en termes de... Et alors que moi, j'ai vu les deux, et c'est vrai que au jour le jour, je vais plus ressortir du Kaamelott que du un gay une fille, mais comme je vais pouvoir beaucoup ressortir du Shabba, en fait, au quotidien. Oui, comme... Et les univers qui me font ça, c'est clairement, il y a ça et Disney. Hein, c'est... Ou alors pour... Parce que nous, on parle vraiment en émo à la maison, très souvent. En émo ou en Shabba, très souvent. Mais le Kaamelott revient... Souvent. Enfin, t'es sûr qu'on va au McDo, on va se le grasser la vie, quoi. C'est sûr que ça ressort. C'est obligé. Donc, c'est très... Enfin, nous, on va au Burger King parce que. mais... mais. Tant que vous n'allez pas au Quick. Oui. Y a plus. Oui, c'est vrai que c'est racheté, ça. Burger King. Mais c'est vrai que. Oui, moi, je suis vraiment. Oui, moi, je suis très, très imprégné, du coup. Mais il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que c'est toute une communauté. Moi, c'est vrai que, bon, voilà, je suis plus un gars, je suis plus H aussi, par exemple. Ah oui. J'adore la série H. H, c'est... Ah, par contre, non, je suis pas. J'adore. C'est magnifique. Je rêve d'un retour, mais bon. Non, moi, franchement, je veux pas, parce que. Même si. Enfin, j'aime beaucoup ce que Eric Judor fait avec Platane, tu vois, par exemple. Mais je voudrais pas les revoir, parce que ça fait vieille gloire, tu vois. C'est vraiment, je trouve que c'est toujours des mauvaises idées de faire revenir des, par exemple le retour de Friends. Moi, je suis pas du tout impatient. Oui, justement, ça va peut-être falloir en parler, ça fait aussi partie, enfin on verra ça après. Ouais, bien sûr, on peut le caser, mais parce que j'ai c'est un retour sur Netflix, non, sur HBO, mais j'en parlerai après, parce que je suis là pour le coup. Friends, c'est vraiment, voilà, j'ai ce rapport avec Friends comme Eddie avec Kaamelott. C'est-à-dire que je suis pas vraiment imprégné par Kaamelott, mais c'est un truc qui a vraiment ses qualités. Par contre, c'est vrai que j'ai vu, moi, j'ai regardé les commentaires parce que j'étais curieux de savoir comment les fans avaient recevé ce. Voilà, avaient réagi. Il y a quelques personnes qui ont dit, et je me suis dit, mais c'est normal et c'était évident que ça pouvait pas être autrement. Des personnes qui ont dit, on retrouve pas l'ambiance comique de la série. Bon, déjà sur un petit truc comme ça. C'est un teaser. Ouais, un teaser, c'est compliqué. Et puis c'est surtout que c'est pas possible. Mais je pense pas que ça va être de la potagerie. Enfin, il a beaucoup plus d'ambition que ça. Si c'est surtout que quand tu prends les répliques comme ça, à part on en a gros, le gras c'est la vie, c'est humour un peu con, un peu débile, mais pas du tout. Oula! Oula! Oh mon dieu! Éternuement, c'est pas. Oh non! Non, c'est bon, c'est bon. Je vais me laver les mains. Je suis tout seul à la maison. voilà. Ouais. Du coup, tu disais. Bon, par contre, j'ai pas éternué dans mon. Mais j'ai éternué dans le mouchoir. J'en fais, ça y est, c'est bon. On le répète, pas de contamination possible par micro. Hein, voilà. C'est jamais. On le répète Internet, au cas où que les gens se mettent à paniquer. Voilà, c'est. Si, mais pas les mêmes. Voilà. Bah oui, justement, voilà, on peut avoir des virus quand même. Mon PC peut en avoir, donc bon. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet, sans avoir la fibre, je suis quand même curieux, mais j'ai évidemment besoin de voir la série idéalement dans son intégralité, mais au moins un maximum, parce que je pense que si tu vas avoir ça sans avoir vu la série, mais alors là, mais ça sert à rien. Un max, ça sert à rien. Après, peut-être qu'il fera peut-être un petit effort pour la compréhension de ceux qui vont aller le voir, parce que c'est un risque, hein, les gens qui vont aller le voir juste par curiosité sans avoir vu la série, peut-être aider à la compréhension justement des gens qui n'ont jamais vu la série. Mais je pense qu'on tu perds certainement la compréhension de beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, très bien. Donc impatient de voir Kaamelott. Ok, on va passer à la suite avec une autre annonce Disney Live, et cette fois-ci ça concerne Bambi, mais oui, le long métrage sorti en 1942, l'écriture de cette nouvelle version sera confiée à Geneva Robertson Duwert, qui a écrit Captain Marvel et Tomb Raider. Et Lindsay Beer qui a écrit des films dont je n'ai jamais entendu parler, Chaos Walking et d'autres choses, voilà. Ce film présenté comme live action utilisera en réalité les mêmes techniques d'image de synthèse photoréaliste que celles mises en œuvre sur Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, proposant ainsi des animaux en 3D plus vrais que nature. Génial. Le film est adapté du roman de Félix Salt-Ben, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. On va rappeler quand même que le film original a reçu 3 nominations aux Oscars en 1943 et figure à la 3e place du classement des 10 meilleurs films d'animation de l'American Film Institute. Le film suit les aventures d'un jeune fan orphelin et de ses amis Pampan le lapin et Fleur la moufette à travers la forêt. Voilà. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais t'as jamais vu Bambi? Non, mais il le dit avec un sérieux solennel, tu vois. Alors, à travers la forêt, sont des amis, ils vont cueillir des fleurs et puis voir des chasseurs faire des choses pas très bien. Voilà. Ils vont apprendre la vie, c'est ça. Surtout. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie annoncée, on sait, sachant qu'on rappelle qu'il y a d'autres films, des remakes live action qui sont en cours, La Petite Sirène avec Halle Berry dans le rôle d'Ariel, et comme on en avait parlé, du coup, Pino. Halle Berry ? Halle Bailey, pardon. Fou là là, je raconte la merde. Oui, c'est vrai. Non. Ah bon ? Ouais, je me suis trompé, c'est pas grave. Ah oui, là, ouais, t'étais... C'est pas grave. Le tournage a été interrompu, d'ailleurs. Oui. Bah, beaucoup hein. Y aura aussi, en 2021, Cruella, de Greg Gillespie, qui verra Emma Stone prêter ses traits à l'iconique méchante des 101 Dalmatiens. Je le sens pas trop, mais bon, on verra. voilà, donc, à nouveau... pour l'instant, il n'y a pas de réalisateur, donc voilà. Si c'est Jon Favreau. Ah ouais, je m'y attends. On voilà, bon, c'est, on fait, on joue, on parie, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça risque d'être lui ou alors un proche. En tout cas, voilà, c'est un nouveau film d'animation, enfin d'animation avec Animal. Uniquement des animaux qui va être repris en live action. Vous connaissez notre avis si vous avez écouté les Movies Nerd de la dernière année sur Le Roi Lion. On a souvent répété à quel point on n'avait vraiment pas aimé ce film. Le Roi Lion remake, hein, on parle pas de celui de 94, bien sûr. Non. Donc, bah, j'aimerais demander à Eddie, celui qui déteste le plus Le Roi Lion parmi nous. Ah non, c'est Morgan qui déteste le plus. Morgan. Ah oui, c'est Morgan. Je l'ai mis dixième dans mon flop, moi. Ouais, mais Eddie ah oui, l'a non, mis beaucoup oui, plus loin, mis, je vous rappelle. Ah voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que déjà tu es attaché au film Bambi de 42? Je l'ai vu qu'une fois, Bambi. J'aime bien, hein, c'est très mignon. Bon, c'est très triste aussi, évidemment. Mais après, j'ai pas un affect... Autant que Le Roi Lion. Bien sûr, les personnages sont super mignons et tout... Mais j'ai pas un affect non hyper fort avec Bambi. D'accord. Après le truc c'est que là en fait on peut même pas se dire ils vont essayer de faire une version en étoffant, en donnant par exemple un rôle au chasseur pour faire une critique sur la chasse machin. On sait juste que de toute façon ce sera comme le Roi Lion, que ce sera du plan par plan et voilà, c'est quasiment sûr et certain donc bon. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Donc, comme beaucoup de versions live Disney qui s'annoncent, finalement... Non, mais c'est vraiment... ouais, il n'y a vraiment que celle de la petite sirène, moi, qui maintenant... parce que, bon, Mulan n'est pas... Est repoussée ouais. Hein. Mais Mulan, évidemment, m'intéresse, surtout que les retours ont l'air plutôt bons. Mais par contre, oui, la seule qui pourrait me tenter vraiment, ça va être ouais, la petite sirène, parce que c'est le côté sous-marin et qui peut être intéressant, qui peut donner quelque chose d'assez joli. Mais c'est vrai que après si c'est pour voir un truc comme Le Roi Lion avec Bambi, non, c'est pas, c'est clair, je vois pas trop d'intérêt, quoi. Morgan, bah moi en fait j'ai jamais vu Bambi, j'avoue, mais donc je devrais, ne sais pas, hein, ce que vaut le truc. Il est magnifique, ça me tente pas. Bah, ça me tente pas, moi j'aime beaucoup ce film. C'est, il doit être dans... Ah, c'est vraiment c'est un joli film. Il doit être dans mon top 20 gars. De Disney. Ouais, non, mais sûrement, c'est sûrement beau. Par contre, j'ai vu le 2. Oui, ah oui, bon. Ouais, mais vois le premier. Ouais, non, mais oui, parce que le 2 est pas possible. Hein. Mais de toute façon, avec Disney Plus qui arrive, je vais forcément pouvoir le voir. Bah oui. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il va y avoir l'avantage là, de se faire une vraie filmographie Disney pour Oui, surtout les films qui sont un peu moins trouvables du genre. C'est ça. Bah oui, le crapaud et voilà, le c'est ça, Saludos Amigos. Les Trois Caballeros, tout ça, c'est vrai que ça fait partie de ces films un peu oubliés. Oubliés, ouais. Après, du catalogue Disney, c'est pas, qui c'est sont pas extraordinaire, mais ça vaut le coup de les voir. Bah non, mais c'est vrai que si tu veux le faire en mode maniaque et comme vraiment moi. Avoir vu tous les classiques et grands classiques, voilà. C'est vrai que Disney Plus va quand même être une bibliothèque assez intéressante à ce c'est sujet-là. Sûr. C'est clair que. Mais il y a certains films qui n'y seront pas. Il y en a un d'ailleurs. Ils ont annoncé qu'il... Oui, Mélodie du Sud. Oui, voilà. Mais de toute façon, il n'a jamais été en DVD ni en Blu-ray, donc. Oui, non, c'est un film qui a toujours été assez tabou. Hein. Donc. Voilà. Mais après, il fait pas partie des. Et pourtant, c'est un film qui a son. Il y a eu quoi du coup, son enfin, animation. C'est quoi le problème avec le oui, racisme. Parce que ça parle d'un ancien esclave qui est super content d'avoir été esclave. Enfin, bref. Voilà. Ah bon? Oui, ce genre de choses. Enfin, tu vois, beaucoup de clichés racistes sur les Afro-Américains du Sud, principalement. Après, après, le film est resté populaire malgré tout, parce qu'il a quand même son attraction en Californie, au Magic Kingdom. On peut fouetter les Noirs. Je crois même à Tokyo. Non, parce que c'est un mélange d'animation de et action. De... Ouais. Voilà. C'était un des premiers films, les petits animaux... Après... Alors pour le coup, ça, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faudrait aussi que Disney prenne leurs responsabilités en mettant un avertissement, en disant que... Mais comme ils le font avec Dumbo. Ils le font avec Dumbo, ils le font... Il faudrait qu'ils fassent ça, plutôt que de ne pas censurer. La Belle et les Clochards. Ah oui, les Aristochats. Non, pas les Aristochats, pardon, je me suis trompé. Non, il y a c'était La Belle et les Clochards, je confondais, parce que c'était... Ça parlait juste... Mais alors par rapport à au chat dans La Belle et les Clochards. Voilà. Ah bah oui, oui, si les âmes, oui, les, forcément. Enfin, les, comment dire, les... voilà, les siamois. Exactement. Bref, du coup... bah là, non, oui, mais il n'y a que ça qui n'est pas c'est là. C'est très bon, prononcé. Après, c'est pas... Je veux dire, c'est pas grave, hein. On va s'en remettre. Bah après, je suis pas sûr qu'en soi, ça soit un excellent film. Je sais pas, je l'ai pas vu. En tout cas, des animations que j'avais vues étaient plutôt sympas, mais enfin, du côté animation du film. Bah, l'attraction, elle est super cool. C'est un splash, en fait. C'est mais il n'y a aucune mention de ce avec film. Une grosse c'est descente. Juste... C'est, enfin, non. Ouais, non, c'est vraiment que les petits personnages, et à un moment on rentre dans la grotte et il y a tous les personnages du film. Et, non, mais c'est sympa, par contre, c'est. Et c'est très. Enfin, les personnages ont des bonnes têtes, ouais. Oui, c'est des animaux. Ils sont assez mignons, donc après, c'est vrai que c'est surprenant de se dire que ce film-là est à ce point tabou, en fait, chez Disney. Ouais. Mais voilà, donc. Et puis, bon, il y aura peut-être pas tous les courts-métrages, que ce soit Donald ou. Enfin, c'était plutôt Donald de la Seconde Guerre mondiale qui était aussi. Ouais, voilà. Mais c'est pareil. Est-ce que Disney avait été engagé quand même pour faire un peu de propagande anti-nazi et tout ça? Donc il y avait. C'était pareil du côté de Warner Bros avec les Looney Tunes. Hein. Sachant que les Looney Tunes ont ressorti un coffret, mais avec des messages avant et tout ça, enfin disant clairement l'intention et voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui n'y seront pas. Bon, après, je veux dire, c'est pas le, je pense que c'est pas le grand public qui va chercher ce genre de film, c'est plutôt... Non, je crois pas, ouais. C'est plutôt les connaisseurs et ceux qui veulent vraiment les voir. S'ils veulent vraiment les voir, ils trouveront un moyen de les voir. Il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui, quand ils vont voir un film d'animation, de toute façon, pour eux, il n'y a pas de sous-texte. Hein. C'est pour les enfants oui, et basta. Donc, voilà. Donc voilà, Bambi, ben, ça a l'air... ça a l'air vraiment nul, hein. Je suis désolé, mais franchement, j'espère que ça ne va pas être la même chose que Le Roi Lion, mais... J'ai beau espérer... Oui, on va pas se faire trop d'espoir. J'ai beau espérer, je pense que ce sera la même chose, voilà. Passons à la suite rapidement, du coup. Il va y avoir un nouveau film, The Thing, qui est en préparation. Après les films, du coup, La Chose d'un autre monde de Christian Nibby et de Howard Hawke en 1951, et le remake, du coup, de John Carpenter en 1980... Je sais plus, 83, un truc comme ça. Ah oui, c'était le remake d'un film des années 50. Et après, dans les années 2010, il y a dû avoir le remake du remake. En 2010, c'était un préquel qui s'appelait aussi The Thing en 2011, qui était sous la direction du cinéaste néerlandais Mathis van Eijningen Jr. C'est pas facile à dire. Merci à tes souhaits. Voilà. Et qui était pas mauvais. Hein. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le préquel. J'ai vu les deux autres films que j'aime beaucoup. Autant le film original que le remake. Parce que le film original, il avait quelque chose de très marqué. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces films de science-fiction des années 50 qui sont un peu kitschos, mais en même temps... ils ont quand même quelque chose. Ce film, il a quand même quelque chose à lui, c'est vraiment de pas montrer l'horreur frontalement et vraiment faire monter la tension. Et c'était c'est vraiment un film d'ambiance plus qu'un film d'horreur science-fiction, pardon. Et celui de Carpenter est vraiment dynamité tout ça. Et c'est vraiment un super film. Hein, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un très bon film d'horreur science-fiction et même un peu un côté thriller avec un qui est contaminé, qui n'est pas contaminé. Dans cette période, c'est parfait. C'est tout voilà, à fait approprié. C'est ça. D'ailleurs, apparemment, les visionnages du film Contagion de Soderbergh ont explosé depuis l'apparition du coronavirus. Ouais, ouais. C'est comme tout. Alors moi, c'est clairement le film que j'ai pas envie de revoir en ce moment. C'est clair. Parce que mais le film, déjà, sans épidémie réelle, moi, je le trouve assez terrifiant. Ouais. Tellement c'est bien fait et tellement c'est crédible, en fait. Donc, pas en ce moment. Mais non, mais en plus de ça, c'est que tout commence... Enfin, la façon dont l'épidémie dans le film commence, c'est exactement de cette manière-là. C'est une chauve-souris, tout ça. Enfin, c'est bon, après, soit chauve-souris, pangolin, on ne sait pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a... Mais c'est bien que des films comme ça se fasse une nouvelle, parce qu'on a l'impression qu'une fois que le film est fini d'être diffusé en salle et que le DVD Blu-ray apparaît, bah, du coup, que si ça se vend pas, tant pis, le film est mort. En fait, non, quelques années plus tard, ça peut, quoi. Oui, c'est ça. Qui sait, on va peut-être réhabiliter Resident Evil. Voilà, voilà. Tu fais de grands pas, je crois. Du coup, pour reparler du coup de The Thing, selon le média comicsoon.net, Universal et Jason Blum, à qui l'on doit les cartons Get Out et Halloween, le remake du remake du remake, celui de 2018, quoi, préparerait une nouvelle adaptation qui se concentrera sur Frozen Hell, la version longue et inédite de la nouvelle de l'auteur John W. Campbell, celui qui avait écrit La Chose d'un autre monde. Voilà. Du coup, ce sera un nouveau film The Thing. Toi, Morgan, tu as vu le film de 2011. J'ai même vu le film de Carpenter, quand même. Tu as vu le film de Carpenter. Tu l'aimes? Ouais, que. Ouais, j'aime bien. Ok. J'aime bien, mais je suis pas. T'es pas méga fan. Non, je suis pas méga fan. J'aime bien. C'est tout. Ouais. Par contre, j'aime bien le film de 2011 aussi. Ouais. Il est intéressant dans son côté préquel. Mais après là, un nouveau film, non. Hein. Ouais. Non, clairement pas. Hein. Je. Tu. J'ai pas envie de voir ça. Non. De retourner dans cet univers glacial. Ah ouais, non. Et non, puis je pense que ça va déborder de trucs numériques et tout. Ça va être. C'est vrai que la beauté du film. Bon, après, je sais pas comment c'était géré en 2011, mais la beauté du film de Carpenter, c'est les effets mécaniques et tout ce qui était. Poupée, voilà, vraiment, clairement, c'était super bien fait. Ça traumatise encore des générations, voilà, des puppets et tout ça. Voilà, ça traumatise encore des générations de spectateurs. Ah, bah, moi, ça me traumatise toujours plus les marionnettes, l'animatronique que le. Voilà, c'était animatronique que je cherchais le mot, merci. Moi, c'est sur les films de loup-garou, c'est flagrant, d'ailleurs, par exemple. Ils me foutent les jetons comme non, pas possible. Hein. Les mecs en costume me terrifient, alors que et pourtant moi j'ai pas souvent peur en plus, c'est ça qui est terrible. Je vais pas avoir peur de trucs comme l'exorciste, qui a traumatisé des générations et des générations. T'as pas eu peur de l'exorciste? Bon. Je l'ai revu il y a deux jours. Non plus, j'ai pas peur. Mais je le trouve excellent ce film. Mais pas que c'est pas bien, mais. Ça me. Ah, moi ça m'a fait peur. Hein. Franchement, j'étais pas rassuré. J'y repense en plus. C'est l'ambiance est assez terrifiante. Voilà, oui, c'est ça, mais ça fait. Voilà. Oui. Non, c'est un bon travail d'ambiance et tout ça, mais oui, c'est vrai que j'ai pas vraiment peur, tu vois. Mais comme tu dis, Eddie, c'est vrai que tout ce qui est animatronique, tout ce qui est mec dans un costume, ça fait toujours plus peur. Ah ouais, mais le loup-garou de Londres, par exemple. John Landis, c'est ça. Ouais, le loup-garou de Londres m'a vraiment marqué. Ouais. Et même le peur bleu de l'adaptation de Stephen King, qui est quand même pas un bon film. Hein, pas une bonne nouvelle. M'a marqué aussi. Ouais. Oui, apparemment, oui. Mais m'a marqué aussi. Donc, et par contre, ouais, le Cursed de Wes Craven en 2000, je sais plus quoi, 2008, je crois. Bon, plus rien à faire. Non. C'était drôle, quoi, mais ça m'a pas fait peur. Et pourtant, il y avait un petit peu d'animatronique aussi. Mais c'est vrai que je sais que moi je suis plus réceptif au côté un peu tangible. C'est vrai. Je crois que j'ai jamais eu peur devant un film d'horreur qui me présentait des effets numériques, hein, clairement. Ça fait pas. Enfin, voilà. Et les Inside You et les Conjuring, justement, fonctionnent assez bien, je trouve, parce qu'ils sont. Il y en a, mais pas forcément sur les. Pas tant sur les personnages que ça, c'est vraiment plus dans l'ambiance où ça rend bien. Et encore, quand tu regardes le tournage du Conjuring, par exemple, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Que tout ce que tu vois à l'écran, quasiment, c'est du trucage, quoi. C'est juste que c'est la mise en scène qui fait le reste, c'est en fait. C'est sûr. C'est ce qui sépare les bons réalisateurs. Mais par contre, The Thing, moi, je n'ai. C'est ça. Mais The Thing, par contre, je n'ai pas vu. Ouais. Du coup, tu n'as pas vraiment d'avis, je pense, sur le fait d'en voir un nouveau. Pas du tout. Et toi, Morgane, tu veux pas en voir un nouveau, c'est ça? Si j'ai bien compris. Non, voilà. Franchement, non. Ça te suffit. Pour moi, tout. Oui, tout a déjà été fait et montré, quoi. Pas besoin de. C'est vrai que trois films, je pense que ça suffit largement. Et qu'il n'y a pas besoin non plus d'étoffer et de refaire en plus un film qui, pour moi. Celui de John Carpenter, il est à la limite du parfait, quoi, clairement. Il y a pas grand-chose à lui rajouter. Il y a une ambiance de dingue dans ce film. Et voilà, tous les effets animatroniques, tout ça, je trouve ça juste génial. Et ce serait dommage de gâcher tout ça en refaisant le film pour quelque chose qui serait forcément un peu moins bien, quoi. Donc voilà. Passons à la suite avec une information concernant Doctor Strange 2. Ça n'a pas été confirmé encore, mais ça traîne depuis début février, donc voilà. Près de 13 ans, après Spider-Man 3, Sam Raimi du coup pourrait revenir dans le monde des super-héros en réalisant normalement réalisant la suite de Doctor Strange. Il serait en négociation pour le poste d'après le site Variety. Il remplacerait Scott Derrickson qui a quitté le projet en début d'année en raison, je vous le donne dans le mille, de différents créatifs, hein, comme souvent avec Disney. C'est quand même... Franchement, j'aimerais bien... Mais Scott Derrickson qui devait pas au départ être... Ah non, pardon, c'est... Non, non, c'est bien lui qui avait fait Doctor Strange. Il a fait Strange, le premier, hein, le premier. Ouais, ouais. Il a fait le premier, ouais. Et donc il aurait dû faire le deuxième, et finalement non. Mais il n'y avait pas eu un truc avec Scott Derrickson et le... Il n'y avait pas le réalisateur de... Ah oui, non, c'était oui, Edgar Wright qui devait faire Ant-Man. Ant-Man, ouais. Et ouais, c'est avait... ça. Oui. Oui. Comme quoi, ça se répète, l'histoire se répète. Et du coup, si Sam Raimi était choisi pour prendre les commandes de Doctor Strange 2, il s'agirait de son premier film depuis 2013, puisqu'il a pu réaliser pour le grand écran depuis Le Monde Fantastique d'Oz. C'est vrai, qui était encore qui était chez Disney. Mais il est resté pourtant très actif en tant que producteur ces dernières années. Voilà, le tournage de Doctor Strange in the Multiverse, alors In the Multiverse of Madness, doit débuter au mois de mai, peut-être recalé, on sait pas, une sortie en salle qui était calée au 5 mai 2021 pour l'instant, voilà. À noter enfin que l'actrice Rachel McAdams ne reprendra pas le rôle de Christine Palmer, la collègue du super-héros, à l'occasion de cette suite. Donc voilà. Ou elle avait pas un rôle non plus. J'ai toujours pas vu Doctor Strange, donc j'ai pas. Je sais pas. Moi, m'avait pas. J'ai un vague souvenir d'elle dans le film. Quoi, d'accord. C'est tout. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Morgan parce que je sais son amour pour Sam Raimi. Il l'aime autant que moi. Pouloulou. Ouais. Sam Raimi. Ouais, exactement. Pouloulou. C'est Sam Raimi, le mec de mon quartier. Alors. Mec de mon bâtiment. Du coup, est-ce que tu serais content de voir Sam Raimi retourner sur du super-héros et retourner du coup sur Doctor Strange 2? Ah, mais carrément pas. Ouais. Carrément pas, parce que non. Enfin, vous vous souvenez du podcast de fin d'année où on s'était dit quel réalisateur on aimerait bien revoir et tout. J'avais dit Sam Raimi. Je suis content qu'on m'ait entendu, Inch'Allah. Le problème, c'est que bah, pas sur ça, parce que... Alors, ce qu'il faut... Là où j'ai envie d'être un petit peu... d'être raisonnable dans mon avis, c'est que Sam Raimi adore Doctor Strange. Il adore le personnage. C'est limite fait pour lui, ce truc-là. Malheureusement, même s'il va être forcément dicté par les studios, de toute façon, Sam Raimi, la dernière fois qu'il a fait un film pour les studios, c'était Disney avec Le Monde Fantastique d'Oz, qui était bien exécuté, mine de rien, qui était très bien, parce qu'il avait quand même respecté un cahier des charges qui était très strict, parce que Disney avait galéré par rapport aux droits en plus de ça. Donc il y avait des trucs qu'il ne pouvait pas mettre dans le film, donc il a dû se démerder. Et la fin, notamment la bataille finale, il en a fait un espèce d'Evil Dead pour les gamins. Enfin, d'Army of Darkness pour les gosses. Et c'était franchement bien. Le rendu était assez, assez ambitieux et il y avait vraiment des choses dans le film. Mais je pense qu'entre 2013 et 2020, donc un peu plus du coup, il y a encore moins de liberté en fait. Et là, j'ai peur qu'il se fasse à nouveau bouffer et que ça le... Donc, c'est pas en fait... Alors, son retour au cinéma, oui, je suis content parce qu'au moins, il est vivant, hein. Parce que j'en ai marre de voir reproduit par Sam Raimi, j'en ai marre de le voir producteur. Donc il revient un peu réalisé. Maintenant, c'est pas un film qu'il avait avec lui dès le départ. C'est un film qu'on lui a refilé. Parce que le remake d'Evil Dead, c'était lui qui l'avait produit. Oui, il me semble. Ouais. Oui, c'est lui. Bah, c'est lui qui a produit Crawl aussi d'Alexandre Aja et tout. Mais bon, producteur, ça veut tout rien dire. Hein. Cameron est producteur de Terminator Dark Fate et pourtant. Donc, le voir avec un projet qui n'était pas un truc. Moi, Sam Raimi, aux dernières nouvelles, il était sur le projet d'un film sur les Bermudes, Triangle des Bermudes. Alors là, pour le coup, j'étais à fond dedans. Enfin, là, de le voir, qu'on lui refile un projet. Bon, ça a l'air d'être officiel parce qu'il n'y a rien eu de... Voilà, à moins qu'il annule à cause du coronavirus. Mais... Bah, le tournage sera sûrement repoussé hein, pour le mois de mai, ça c'est clair. Tout. Le cinéma est repoussé de toute façon. je suis pas très... je suis content, mais je suis... Ouais, je demande à voir. Oui, demande à voir. Moi, personnellement, ça me rémit de le voir dans le Marvel Universe. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment parce que... Compte tenu de, en fait, si on m'avait compte tenu de ça, la politique de Marvel Universe. C'est oui, plutôt... puis même des films en eux-mêmes, dans leur qualité globale, je veux dire, bon, bah, ça aurait été en 2014 qu'on m'aurait annoncé ça, j'aurais fait « Ah ouais, cool !» Mais là, le MCU, bon, on voit un peu ce que ça donne, quoi. On voit pas de chef-d'œuvre, quoi. Donc je vois pas pourquoi lui, il en ferait. Hein. Ouais, c'est, et puis il a déjà fait ses chefs-d'œuvre. Pour moi... En plus Spider-Man 1 et 2, clairement, le 2, enfin, ouais, voilà. Le 2, voilà. Mais le 1 est, attends, extraordinaire aussi. Et le, trois, et le 3 aussi, il est super bon. Trois, moi, je réhabilite ce film parce que c'est vrai. Même le 4 qui n'est pas fait, qui n'a pas, ouais. qui n'est pas sorti, c'est un chef d'œuvre. Ouais, chef-d'oeuvre. Voilà, c'est ça. Le 4 est un chef d'œuvre. Non, mais voilà, je franchement, je serais un peu déçu s'il le prend. Enfin, s'il prend le projet. Il va le prendre. Ouais, bon, je suis un peu déçu. Du coup, parce que moi, je l'attendais sur un truc original, quoi, clairement. Parce que voilà, c'est un réalisateur qui a de super bonnes idées, qui est vraiment quand il était prolifique, était vraiment super bon dans tout ce qu'il faisait. Et donc bah, voilà, moi je suis un peu déçu de le voir tomber là-dedans. C'était quoi le film en 2009, Drag Me to Hell? Non, c'est, ah, Jusqu'en Enfer. J'ai détesté, ouais, Jusqu'en Enfer. Moi j'aimais bien, hein, franchement j'ai bien aimé. Moi j'ai détesté. Un film de toute façon où on tue un chaton, moi c'est pas possible. Oui. Étrangement ça me fait rien, moi. Non, ça me... moi je. Non, mais j'avais trouvé ça mauvais en fait aussi, globalement. J'avais pas trouvé ça très. Et du coup. Bah, puis c'est surtout que j'ai revu Evil Dead. J'ai revu Evil Dead 2, c'est du. C'est vraiment les Evil Dead 2. Le 3 aussi. Magnifique. Trop bien. Le 3 aussi, mais j'ai pas revu, mais je sais qu'il est bon. Mais Evil Dead 2, c'est la liberté totale, ce film. Je n'ai pas vu un film de genre aussi libre. Que celui-là, quoi. C'est quand on me dit, ouais, dans... enfin, j'ai jamais vu autant de sang dans un film, quoi. Quand tu dis, ouais, le ça partie 2, la scène la plus sanglante, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sang dans Evil Dead 2, quoi. C'est vrai, c'est fou ce film. Mais il n'y a pas de sang dans ça partie 2. Si, ils avaient fait même une news 30 litres, ouais. 3000 litres de sang, ou je sais plus combien là, dans les toilettes là. Ouais. Ah bon, oui, la scène dans les toilettes avec Jessica Chastain. Ah bon, oui, ça n'a pas marqué, hein. Apparemment. Non, non, mais... non, dans le premier, oui. Dans le chapitre 1, oui, ça m'a marqué, mais. Non, mais même dans le remake d'Evil Dead, ils avaient dit, vous verrez jamais. Autant de sang, mais c'était du sang numérique, ouais, la plupart du temps. Donc... Mais je pense que Sam Raimi, il a justement ce. Enfin, c'est pas qu'un mec qui sait. Enfin, c'est pas juste un gars qui soigne ses images. Mm. Il a un grain de folie, il a un imaginaire, et après ça peut coller à Doctor Strange, pourquoi pas, hein. Tout comme ça a collé au monde, enfin, parce que pareil, si là tout de suite, à l'époque, si le film n'était pas sorti, on m'aurait dit Sam Raimi va faire le monde fantastique d'Ose, j'aurais fait pourquoi, enfin, pourquoi j'attends pas, après on sait pas, mais bon, il y a moins de liberté parce que le MCU, tout ça, c'est très strict. Oui, et sachant que la plupart des réalisateurs se barrent à cause de différents créatifs. Que ce soit au niveau. Bah oui, de... il en a déjà eu à l'époque en plus. Voilà, c'est ça. Je comprends pas pourquoi il se relance là-dedans. Même si c'est plus les mêmes personnes, c'est pas Sony qui est là derrière, c'est Disney. Mais. Non, mais il est con. Il est maso peut-être, hein, tout simplement. Il est con. Du coup, Eddie, toi, est-ce que ça te tenterait? Oh. Ou pas? Tu t'en fous complètement. T'as pas d'avis. Moi, à part les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai pas vu grand-chose. Hein, donc, Ah, t'as pas vu Evil Dead? Oh là là. Ah non. Non, puis alors ça te tente pas. Ça m'attire pas du tout. Non, je pense que ça va être trop gore pour moi, ça. Ah bah, le 2, oui. je confirme. Le 2 est quand même assez gore. Hein. Ouais, le 2, oui. Mais le 2, il est rigolo. Après, c'est pas le sang qui me dérange, mais c'est le... Ouais, les membres coupés, tout ça. Dans le 1, ça fait un peu carton-pâte, effectivement. Oui, mais... Tu vois le trucage. Le 2, effectivement, ça se lâche totalement. Oh ouais. Ah ouais. C'est vrai. Donc, Evil Dead, ça me botte pas. Après, les Spider-Man, moi, j'aime bien les deux premiers. J'aime un petit peu moins le 3, mais je le revois aussi. Mais par contre, après, Jusqu'en Enfer, non. Ça, non, c'est pas possible. Et Oz, c'était pas mal, mais c'est pareil, je cours pas après. D'accord. Donc Doctor Strange 2. Voilà. J'ai pas un affect très particulier avec ce réalisateur-là. Et puis Doctor Strange, en plus, c'est vraiment pas le héros de chez Marvel qui me passionne le plus. Donc, il y a vraiment rien qui se conjugue pour que. Je sois intéressé par ça. J'ai bien aimé, hein, le film Doctor Strange, le premier. Ouais. premier volet. Mais Cumberbatch est très bien dans le rôle, hein, mais après, j'ai pas non plus... Ok, non. Très bien. On va passer tout de suite au palmarès des Oscars, puisqu'il y a eu quand même les Oscars. 92e Oscar, 90e édition des Oscars. Bon, le palmarès, c'est quoi ? C'est Parasite, Parasite, je crois aussi. Hein. Aussi. Voilà. Du coup, je vais rappeler un peu de toutes les nominations qu'il y a eu, enfin, toutes les gagnants plutôt. Meilleur film, meilleur réalisateur, donc meilleur film Parasite, meilleur réalisateur Bong Joon-ho pour Parasite, meilleur scénario original Parasite, meilleur film étranger Parasite. Voilà, ça fait 4, hein, c'est déjà bien. Joaquin Phoenix, meilleur acteur. Renée Zellweger, meilleure actrice. Brad Pitt, meilleur acteur dans un second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Laura Dern, meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story. Taika Waititi, meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit. Roger. Alors, ça, c'est surprenant par contre. Hein. Dickens, ouais. Bon. Je sais pas, moi, je m'attendais pas à ce qu'il remporte quelque chose. Non, mais d'accord. Bon. Oui, bon, après. J'ai pas vu le film, mais je me dis tiens, bah non, c'est que ça a vraiment dû plaire. Non, mais oui, je trouve que c'est mérité pour un scénario adapté, il était bien adapté. Enfin, voilà. Meilleure photographie, Roger Deakins pour 1917. La meilleure musique, je n'oserais pas prononcer son nom, Hildur Gunnadóttir. Voilà, c'est un nom islandais, il me semble, selon les caractères qui sont utilisés. Pour la meilleure musique de Joker, du coup. Elton John et Bernie Taupin pour la meilleure chanson dans Rocketman. Et Jonas Rivera, Mark Nielsen et Josh Cooley pour Toy Story 4, meilleur film d'animation. Ah, mais alors ça, c'est pareil, ça m'a surpris. Voilà. Donc. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils reçoivent. à ce qu'ils reçoivent pour meilleur film d'animation. Ah oui, je voyais plein d'autres trucs, mais je ne voyais pas Toy Story 4. J'ai plus. Il y avait Dragon 3. C'est vrai que moi, dans mon cœur, à moi, ça aurait dû être Dragon 3, parce que pour au moins que la franchise en remporte un. C'est vrai que... Même si ce n'est pas le meilleur, le 3. Mmh. Hein, mais c'est vrai, pour moi, le 2, de toute façon, devait l'avoir. Mais voilà, je suis très content que la Reine des Neiges ne l'ait pas eu. Même si j'aime plutôt bien, hein, je vais pas. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, ouais. Toy Story 3. Et il n'y avait pas de Pixar en face? Un autre Pixar? Bah non, il n'y a pas eu de Pixar. Non, il n'y avait que celui-là. Qui est sorti. Non, en tout cas. Je sais plus ce qu'il y avait en film d'animation face à Toy Story. Je suis en train de chercher, mais il y avait. Oh putain! Klaus. Moi, j'aurais bien voulu que Klaus l'aide, par contre. Il y avait Monsieur Link, et moi, j'ai perdu mon corps. Un film français, hein, quand même. Klaus, Dragon 3, J'ai perdu mon corps, et Monsieur Link, face à Toy Story 4, qui a gagné. Moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé Toy Story 4. Donc, voilà. Bon, c'est sûr qu'il y avait peut-être des plus méritants, mais bon. Moi, ça m'a pas. J'aurais préféré que ce soit Dragon 3, honnêtement, mais voilà. Morgan, toi, qu'as-tu pensé de cette cérémonie ? Je sais que tu es très heureux. Et tellement surpris. Ouais. Surtout. Alors, Parasite en meilleur film étranger, bien sûr que je l'ai vu venir. En meilleur scénario, oui. Je l'ai vu venir aussi. Meilleur réalisateur, ça aurait pu. Franchement, mais je me suis dit, ouais, Sam Mendes, il va quand même avoir un petit truc. Et meilleur film, alors là, meilleur film tout court, c'est vraiment le grand chelem, quoi. Enfin, je veux dire, il a tout gagné. C'est un film qui a eu un parcours exceptionnel, exemplaire, c'est de l'inédit. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même assez, assez dingue. Alors, je l'ai toujours pas vu, hein, mais ça va venir. Moi, je l'ai revu au cinéma en version noir et blanc et c'était extraordinaire. Oui, d'ailleurs, ça vaut quoi la version noir et blanc? Ne rajoute absolument rien, quasiment rien. Mais c'est Black juste que c'est juste plaisant de le voir en noir et blanc, quoi. Quand t'as adoré le film, c'est plaisant. Après, j'avoue que même si. Non, quand t'as une bonne télé, normalement, tu peux refaire la même chose. Ouais, quoi. Voilà. Mais en plus de le voir au cinéma, parce que je l'avais vu sur ma télé de façon illégale, et du coup, de le voir au cinéma, c'est vraiment encore. Enfin, voilà, ça. J'étais vraiment content. Voilà. Mais après, je... alors, parenthèse, même si j'adore le film, et vous savez, hein, c'est vraiment un des meilleurs films de la décennie pour moi, faut se calmer sur les ressorties, sur les machins, je pense. Oui, c'est sûr, mais... Voilà, je pense que là, il faut se calmer un peu. Moi, en tout cas, j'étais content de le voir au cinéma parce que j'avais pas eu l'occasion, tu vois, donc... Oui, non, mais voilà, pour ça aussi. Mais c'est vrai que le parcours de ce film-là, il est exceptionnel, c'est une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour le cinéma sud-coréen. Maintenant, le danger dans tout ça, c'est que Bong Joon-ho, maintenant, il va pouvoir compter sur les Américains. Il y a une série Parasite qui est prévue avec Mark Ruffalo. Ça me tente déjà pas. Moi non plus. Le fait aussi que, enfin, moi, je trouve que tous ces, enfin, je sais que t'aimes bien Snowpiercer. Moi, je l'ai vu récemment et je l'aime bien, mais je trouve que ces films américains sont vraiment moins bons que ces films coréens. Ah bah Okja, j'avoue, voilà. Ouais. Mais Snowpiercer, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même aussi le support de base de la BD belge. Oui, bien sûr, c'est donc sûr. il a et puis en plus ça épouse vraiment ses thématiques à lui. Oui, c'est alors sûr. Après là-dessus là, voilà, je suis... ça, ouais voilà. Mais j'ai peur quand même que les studios américains se l'arrachent un petit peu et qu'ils me le détruisent un petit peu, et j'ai pas envie que son talent passe au pressoir. Et qu'on ressorte, qu'il nous sorte un film totalement, qui lui ressemble pas. Ouais. Mais en soi, sur le principe même, voilà, je suis heureux pour lui et je suis content. En plus, pour une fois que, parce que la dernière fois que j'avais autant soutenu un film comme ça pendant les Oscars, c'était Gravity, qui n'avait rien eu. Et là, quand le film que tu soutiens remporte quelque chose qui plus est les principales catégories, bah alors là, t'es heureux, quoi. Après, sur le reste de la, alors, la cérémonie était clairement nulle. Moi je l'ai pas vu, c'est juste parce que je m'en fiche un peu pour être honnête, mais bah j'ai regardé en direct heureusement, mais franchement c'était nul. Enfin, il y avait oh, oui, moi j'avais autre chose à faire. Il y avait c'était ennuyeux effectivement, ça enfin, même si c'est beaucoup mieux que les Césars pour le coup. Mais c'est vrai que après en termes de récompense, je trouve que c'est assez équilibré. C'est très honnête parce que c'est équitable en fait. Parce que récompenser 1917, ça aurait été pour moi vraiment trop surcoté, ça aurait été trop. Par contre, le Mans 66 qui a été récompensé pour tout ce qui est travail sonore, c'est honnête. Le 1917 pour tout ce qui est photographie, pareil, je trouve que voilà. Mais là, on parle de cinéma et pour moi, le film le plus cinéma de tous, ça restait le film de Bong Joon-ho. Après, Joaquin Phoenix, bon, bah, il est content, il a fait son discours sur la tolérance. Le truc n'a rien à voir d'ailleurs, j'ai gagné mon prix, je vais parler des vaches qui sont tuées. Enfin, au bout d'un moment, le discours bonne conscience, ça me gonfle un petit peu. Mais en tout cas, parce que pour moi, c'est pas l'endroit. Mais bon, en même temps, je pense que malheureusement, vu la situation actuelle, il n'y a plus d'endroit. Hein. C'est quand tu peux, quand tu as l'occasion d'ouvrir ta gueule et d'être entendu, bah, tu y vas en fait. Bah, c'est surtout qu'en fait, tout ce qu'il se disait, en fait, il n'y avait aucune cohérence dans son discours. Il parlait d'un truc, puis après, hop, au bout de 5 secondes, il changeait sur. C'était pas fluide du tout. Alors que bon, on en parlera, Foresti. Ça se tenait un petit peu. Il y avait un truc, il y avait un fil conducteur qui était logique. En même temps, voilà, elle est habituée à la scène. Mais après, voilà, son Oscar était inévitable. Pour Renée Zellweger, j'avoue. J'ai pas vu Julie. J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais je pense que voilà, tout le monde s'en fout un peu. Ouais, de ce film. En France, en tout cas, tout le monde s'en fout parce que Judy Garland, c'est pas quelqu'un de très connu en France à part Le Magicien d'Oz. Je veux dire. Oui. Bah surtout, enfin, je vais paraphraser quelqu'un qui avait écrit est-ce que le rôle de Renée Zellweger méritait un Oscar? Et puis t'as quelqu'un qui avait répondu en commentaire, je vais même dire est-ce que Judy Garland méritait un film? Bah, je suis un peu dans cet état d'esprit là, elle est peut-être très bien, mais voilà. Par contre, la grosse déception, et là je ne comprends pas pour avoir vu le film de Clint Eastwood qui n'a pas été nommé, y compris en meilleur acteur. Oui, c'est vrai qu'il était sorti avant les Oscars. Hein. Ouais, il est sorti avant les Oscars. Katie Bates, elle aurait largement mérité non seulement d'être nommée, mais alors par rapport à Laura Dern, je suis désolé, c'est Katie Bates qui méritait clairement son Oscar. Parce que Katie Bates dans le film d'Eastwood, elle est incroyable, vraiment. C'est vrai. Et je comprends pas pourquoi il a été boudé, je sais pas. Mais en soi, en termes de récompense, j'ai trouvé ça équitable. Après, Clint Eastwood n'a pas vraiment bonne presse non plus aux États-Unis. Hein. Il est très républicain. Oui, très, c'est sûr, mais bon, après, c'était pas le réalisateur qui voulait. Enfin, voilà. Oui, on va en parler plus tard. C'est pas un réalisateur qu'on... Les Américains font ce que l'on ne fait pas en France. Voilà, c'est ça. C'était pas le réalisateur qu'on voulait célébrer, c'était plus le jeu d'acteur de, extraordinaire dans ce film. Enfin, voilà. Vas-y, sors les rames. Non, mais ouais, de toute façon, voilà. Du coup, Morgane, toi, t'as dit tout ce que tu voulais. Oui, j'ai dit oui. Ok. Enfin, l'avantage du coronavirus, c'est qu'on n'entend plus trop parler des Césars en France. Pour l'instant. Bah, je regrette ce temps-là, et même la bite à Griveaux, ça me manque, pour vous dire. Bref, du coup, voilà. Voilà. Toi, tu voulais rajouter quelque chose ? T'étais... Non. Tu t'en fous. Voilà. Non. Je m'en foutais un voilà, petit peu aussi, donc... Mais pourquoi il parle ? Non, mais moi, tu sais, enfin, moi, j'ai passé l'âge hein, de veiller toute la nuit pour les Oscars. Enfin, c'est surtout que je bossais le lendemain, donc j'avais autre chose à faire, comme dormir, tu vois. Ah, moi, j'avais, c'était exceptionnel. J'avais mon copain qui était à côté qui dormait, et quand Parasite a gagné, j'ai tellement fait de bruit que je l'ai réveillé à 6h du mat. Il a pas pu redormir. Il m'a dit, je vais te tuer. Ah, bah, tu te serais pris une claque. Hein. Bref, du coup, on va continuer et on va parler d'un film qui n'intéresse que moi, mais c'est pas grave. The French Dispatch, oui. Le nouveau film de Wes Anderson. Oh, Coco Morgan, quand même. Du coup, il sortira normalement au cinéma le 26 août en France. Oui, il sera pas décalé. Je sais pas, on verra. Arrête. J'espère qu'il sortira. Ah, oui. J'espère qu'il sortira à la date prévue. Non, parce que 26. Celui-là, le film dont on va parler là. Il est prévu pour quoi ? J'irai pas le voir, mais bon, j'espère qu'il sortira. Au moins, ça devrait. Que dire, oui, ça qu'il y a pas, pas de retard non plus jusqu'en août, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est non, ça. Donc voilà, le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, qui sera emmené par, enfin, la bande annonce, c'est. La moitié du casting, la moitié de. C'est limite ça. J'ai pas tout le casting, mais bon, il y a du Bill Murray, il y a Timothée Chalamet. Bah, disons que c'est le seul casting que tu peux pas caser sur c'est Twitter. C'est ça, exactement. Il y a aussi des Français, hein, Félix Moati, Lina Koudry, il y a Léa Seydoux aussi. Voilà. Bah, évidemment. Elle, quand elle peut s'incruster dans un film américain, c'est clair. Tu penses bien qu'elle va pas louper l'occasion. Donc le film nous plonge dans la France du siècle dernier, en compagnie, comme toujours dans les films de Wes Anderson, d'une galerie hétéroclite de personnages assez farfelus. Le film est mis en couleur, avec la photographie assez reconnaissable de Robert Yeoman, qui est son acolyte depuis le début, mis en noir et blanc. Le film raconte l'histoire d'un magazine qui est inspiré du New Yorker, à travers plusieurs chapitres, façon chronique journalistique. Voilà, donc... je sais que ça n'intéresse que moi. Donc... Et il se passe où déjà le film en France? Je sais plus. Je crois que c'est pas loin de chez moi. J'ai pas l'info. En fait, j'essaye d'en savoir le moins possible et la news de Allociné ne raconte pas grand chose. Donc, enfin, raconte juste la base, quoi. Et j'ai juste vu la bande-annonce qui m'a suffi en fait à me rendre très très content, même si j'ai pas compris ce qui se passait clairement. Il y a 2-3 vannes qui sont assez marrantes. Moi je trouve l'humour de Wes Anderson toujours, enfin moi ça fonctionne sur moi en tout cas, c'est un humour assez anglais, assez, c'est basé beaucoup sur sa réalisation, sur le fait de... Angoulême. Ah, c'est Angoulême, d'accord, ok. Oui, bah, c'est pas à côté. Non. Finalement pas du tout, bah quoi que. Oui. Non, c'est dans, oui, les Charentes. Bon, c'est... de toute façon, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ouais, pardon. Moi, le film m'intéresse. Je veux pas en savoir plus que ce que j'ai vu dans cette bande-annonce. Ça me suffit à me rendre très content et je suis très impatient de le découvrir au cinéma. Enfin, le dernier film qu'il avait sorti, c'était L'île aux chiens, que j'avais beaucoup aimé. Son avant-dernier film, je l'avais encore plus aimé, qui était Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest, ouais, Hotel. C'est vraiment... J'avais détesté. Oui, je sais. Je sais. J'avais détesté, et comme Moonrise Kingdom, finalement. Ben oui, non, mais je sais, après, je comprends qu'on puisse ne pas être touché par ce cinéma, c'est clairement quelque chose de très spécifique, mais moi, je sais pas, ça me plaît beaucoup, en fait, donc Donc voilà, moi je suis très très curieux, la bande-annonce me rend très très content, ça a l'air très joli, la photographie comme d'habitude est nickel, chrome, bon, y a rien qui dépasse, c'est très très géométrique, très, voilà, c'est à l'image de Wes Anderson, hein. De toute façon j'en attendais pas moins. Et puis le fait que ça se passe en France aussi c'est plutôt cool, moi je suis impatient de découvrir ce qu'il va en faire. Le fait que ça qu'il expérimente avec le noir et blanc, avec la couleur, me rend curieux aussi. Enfin, il y a toujours des choses. Il fait toujours des petites expérimentations dans ses films, et je suis toujours. Bah, je suis content qu'il se renouvelle et qu'il se repose pas sur ses lauriers, quoi. Donc voilà. Moi, je suis très impatient de découvrir ce film. Morgan, toi, je sais que ça t'intéresse pas tellement, même si t'as aimé Le Grand Budapest Hotel, hein, donc possiblement. Bah oui, c'est. Mais voilà, je sais pas. En fait, j'attends de voir le film parce que L'île aux chiens, ça a été mais un ennui. Mais qu'est-ce que je me suis ennuyé. Mais après, ça, voilà, c'est en termes d'animation, c'est particulier. Oui. Mais c'est vrai que les films de Wes Anderson, c'est un peu, c'est là, c'est. Voilà, c'est tout ou rien. Oui. Soit j'adore, ouais. Soit ça m'ennuie. Moonrise Kingdom, j'avais trouvé ça mignon, mais j'avais pas adhéré au délire sur le pendant tout le film en fait. Au bout d'un moment, ça m'a lassé. D'accord. Grand Budapest Hotel, j'aime beaucoup, j'adore, mais là c'est le casting. En fait, c'est vrai que c'est trop. Pour citer Simon Rio sur Twitter, que j'adore. Il a dit ah là là, ça a l'air cool cette bande-annonce de Wes Anderson qui ressemble à du Wes Anderson où tout fait Wes Anderson. En fait voilà, c'est tellement du Wes Anderson qu'au bout d'un moment j'ai peut-être l'impression que son cinéma peut-être se répète. Alors peut-être pas dans ce qu'il va nous dire, mais dans comment il va nous le montrer, comment il va, voilà. Et j'ai peur de me lasser un peu, de ne plus trouver d'originalité, quoi. Voilà. Mais après on ne sait pas. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est vraiment enfin, de toute façon, moi, je me base vraiment pas sur une bande-annonce de Wes Anderson pour avoir un avis sur le film, parce que c'est toujours à l'inverse de ce que je pense. À chaque fois, je me rappelle, j'avais découvert la bande-annonce de Grand Budapest et j'étais vraiment pas hypé, et finalement, j'avais adoré le film. Donc, et L'île aux chiens, pareil. Donc, c'est toujours un peu difficile de prévoir ce que je vais penser de ces films, même si j'aime beaucoup la plupart. Voilà. Eddie, toi, tu t'en fous complètement. Donc, je pense que... Ouais. Ah oui, ouais, non. Voilà. Oui. Tu iras même pas le voir, je pense. Non, non. Ah bon, non. Clairement, il y a d'autres choses à voir. très bien. Du coup, passons à la suite encore avec un Disney Live. Et cette fois-ci, c'est une news selon de Disney Insider, c'est un site Disney Insider, quoi. Comme quoi, un long métrage en live action centré sur Réponse est actuellement en développement et ce serait vraisemblablement destiné aux salles de cinéma et pas aux plateformes de streaming, pas la plateforme Disney+, quoi. Le projet n'a pas encore de réalisateur ou de casting défini, mais le script a été confié à la scénariste Ashley Powell, qui est notamment connue pour avoir travaillé sur Casse-Noisette et Les Quatre Royaumes. Film que je n'ai pas vu, je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que le film reprendra la trame de celui que les studios Disney avaient sorti en 2010, mais le succès récent du box-office d'Aladdin et du Roi Lion peuvent nous laisser imaginer que qu'une méthode similaire sera de nouveau appliquée. Voilà. Donc, est-ce que... J'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose, mais est-ce que... Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien. Franchement, Réponse, il est sorti en 2010. c'est complètement débile. C'est que c'est trop récent, c'est, déjà, c'est en vraiment fait. Une débilité, mais... voilà. Est-ce que, Eddie, toi, ça t'intéresserait de voir Réponse en live? Alors, non. À l'heure actuelle, non. Dans 10 ans, dans 20 ans, oui, peut-être. Mais pas maintenant. D'accord. Morgane. Bah non. Voilà. Tout simplement. Voilà. T'as ta réponse. Moi je trouve. En fait, j'ai pris cette news parce que je la trouve. Je trouve ça complètement aberrant, en fait, que même pas. Le film est même pas. Il vient d'avoir 10 ans, limite. Non, mais c'est vrai. Hein. Et on fait déjà un film. On fait déjà un remake live action. C'est complètement idiot. Déjà, quand on nous avait annoncé le Roi Lion et Aladdin, on disait, mais c'est trop. Enfin, ils sont trop récents, ces films. Déjà, on les trouvait trop alors, récents. Alors, pour réponse, mais. Bientôt, ils vont nous faire. Bah, la Reine des Neiges, c'est pour bientôt. Ils vont nous faire La Reine des Neiges. Ils vont nous faire Volt, là. Ils vont nous faire Chicken Little. Enfin, mais vraiment, des trucs. ça sert à rien, quoi. Et surtout, les films, ils sont déjà en relief, quoi. C'est pas des films en 2D. Donc, il n'y a même pas le fait de. Enfin, l'excuse que je trouve bidon déjà, de dire oui, c'est pour apporter du relief à l'histoire, des choses comme ça. C'est parce que le film, il est déjà en 3D. Donc, c'est pas rebutant pour la jeune génération, entre guillemets. Donc, c'est vraiment. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mmh. Surtout que Réponse, c'est un super bon film d'animation. Il est vraiment bien, il est vraiment drôle. Voilà, franchement, il est parfait comme il est. Et n'y touchez pas, quoi, tout simplement. voilà. Mais ce n'est un pas cri le du cœur. On passe à la suite avec La Planète des Singes. On en parlait dans... Bon, désolé, oui, il y a un invité exceptionnel. Le quatrième podcaster. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Du coup, on en parlait dans un parlant cinéma il n'y a pas si longtemps. La Planète des Singes, la suite qui était confiée à Wes Ball, à qui l'on doit les trois volets de la saga Labyrinthe. Qui est rattaché à ce film. Ah, il y en a eu trois. Il me semble. Oh, bah oui. Ça, ouais. Ah, je crois qu'il n'y en avait eu que deux, moi. Non, il y en a eu trois. Voilà. Je ne les ai pas vus, hein, donc je ne peux pas juger. Mais j'ai vu le premier. Le premier est très bien, le deux est... Ouais, ça va, il est regardable, le trois... Non. Ok, comme d'habitude. Moi, j'ai vu le premier, j'ai vomi, donc après, Le fait que, bah, du coup, 20th Century Fox appartienne à Disney maintenant, donc La Planète des Singes, la saga... Ah bon ? Ben oui. C'est vrai ? Ah ouais ? Ben oui. Mais on nous dit jamais rien, nous. Ah oui, c'est dingue, hein, ça. Quand même. Et du coup, les fans et les médias ont spéculé sur le fait que ce nouveau projet se rattacherait pas à la dernière trilogie qui a été amorcée par Robert Wyatt et Matt Reeves, mais repartirait plutôt de zéro. Et finalement, le réalisateur Wes Ball a confirmé sur Twitter que il a juste dit l'héritage de César perdurera, donc ce qu'on peut supposer c'est que ça va être une suite sur un de ses gamins, et c'est exactement ce qu'on redoutait il me semble qu'on en ait parlé donc c'est ce qui se passe déjà dans les tout premiers films, hein, dans les 7 qui sont sortis, c'est déjà le cas. Hein. Ouais. C'est déjà les descendants de César, donc voilà, je ne comprends pas. De toute façon, là, c'est très compliqué, hein, Planète des Singes, c'est une boucle. Oui, c'est alors, une boucle. Donc, en termes de temporalité, c'est balèze. À part faire un remake de celui de l'original, quoi, je ne comprends pas. Tu vois, s'ils veulent vraiment continuer. Parce qu'en gros... Le film de 67, c'est celui qui est un peu au milieu. Enfin, c'est le rattachement entre le dernier film qui est sorti les suites des années 70-80 qui sont un peu moins bonnes que. Parce qu'en gros, la Planète des Singes, les origines. C'est le tout premier dans la temporalité. En gros, ce serait l'équivalent de la conquête de la Planète des Singes. Après, le deuxième, l'affrontement, il fait pas forcément... il a pas forcément de lien... il y a pas forcément de lien particulier avec les autres. Mais par exemple, la bataille de la Planète des Singes, c'est clairement Planète des Singes, oui, Suprématie. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, effectivement... Et c'est pour ça que Suprématie, du coup, on a le lien avec la Statue de la Liberté. C'est ça. Parce que ça fait directement... Vu que la bataille de la Planète des Singes, finalement, nous amène vers le premier film de la Planète des Singes de 68, ça a un peu le même schéma. Quoi. Donc, le fait que... Bah, du coup, maintenant, c'est à Disney, hein, la Planète des Singes. Donc, Eddie, le fait qu'il continue, du coup, cette saga qui a été commencée par la Fox... Bah, disons que c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est que, d'un autre côté, au départ, il parlait de reboot. Donc, bon, bah, là, clairement, c'est, ça aurait été une connerie. Clair, ouais. Enfin, je veux dire, on parlait de réponse qui est pas, qui est récent. Bon, bah, là, c'était pire encore. Donc, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, le dernier est juste, ça fait à peine deux ans qu'il est sorti en Blu-ray. Donc, bon. Donc, ça aurait été complètement con. Alors, maintenant qu'il parle finalement de continuer l'histoire, c'est déjà plus cohérent, mais c'est pas utile pour autant parce que je pense que la trilogie telle qu'elle est actuellement, elle est très bien, en fait. Franchement, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. C'est la seule trilogie qui actuellement se tient, qui fait pas de fausses notes. Dans la saga Planète des Singes, en tout cas. Parce que... Bah, dans les sagas récentes, de manière générale, même. Hein. J'ai beau aimer certaines sagas récentes. Bah oui, il y a toujours un film plus faible que les autres, alors que là. C'est ça, alors que là, Planète des Singes, techniquement, j'aime un petit peu moins le 2, mais je peux pas dire que ça soit un mauvais film, quoi. C'est clair, donc. Ce serait dommage de cacher. Après, j'ai toujours pas revu Suprématie. Je l'ai en Blu-ray, je l'avais acheté parce qu'il était pas cher. Et bah, pour le coup, ça en plus. Clairement, c'est une trilogie qui vaut le coup en Blu-ray, vu la qualité d'image. C'est clair. Et on a la chance d'avoir d'excellents Blu-ray. Oui, c'est vrai qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas chez Warner. Ils font des transferts dégueulasses. Hein. Ouais, c'est... Mais on a de très bons Blu-ray chez la Fox. On a également de bons Blu-ray chez Disney. Le problème, c'est que c'est ces studios-là qui veulent arrêter le format physique. Et le Blu-ray. Donc, oui, parce que là, récemment, j'ai revu Interstellar et le Blu-ray, il n'est pas propre. Hein. Franchement, il y a des. Bah, l'image n'est pas vilaine. Ouais. Mais le son, c'est une catastrophe. Il y a le son et aussi le son parce que les voix ne sont clairement pas assez fortes. Et pourtant, j'ai un 5 points. Hein, ah oui, c'est donc, ça. Clairement, ça doit. Ouais. Moi, c'est pareil. Même en le mettant en VO, ST, tu te dis, le problème, c'est que quand il peint, t'entends rien. Il y a la musique trois fois trop forte. Dès qu'il y a un peu d'action, par ça contre, ça t'explose les oreilles. C'est tout de suite. Ouais. Les Blu-ray de la Warner, c'est un peu une catastrophe, souvent. Hormis ceux du Hobbit. Ben ouais, mais bon, heureusement qu'ils ont fait l'effort, quoi. Parce que, putain. Hormis ceux du Hobbit et Seigneur des Anneaux, là, ça va. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Morgane, toi, le fait qu'on continue, du coup, cette saga a commencé chez la Fox et qu'on la continue chez Disney, t'en penses quoi ? Je pense qu'on peut y perdre au change forcément parce que c'est vrai que les films, enfin les trois derniers films qu'on a eu étaient quand même des films qui étaient un peu radicaux quand même, enfin surtout alors, le troisième. Pour moi, j'ai dit 7 films, mais il y en avait que 5 qui s'étalent de pardon Morgane, hein, qui s'étalent de 68 je n'ai plus la date. Pourquoi j'ai plus 80, la date. Quelque chose comme ça. 88 je crois. Ouais, du coup. Non, 73. Du coup, J'disais, c'était des films assez. Enfin, le troisième, c'était assez radical en termes de rythme. De message, ça avait quand même des ambitions, quand même, de message. En plus. Et là, j'ai un petit peu peur qu'on perde ce... En pertinence. Cette ambition-là, qu'on soit peut-être plus dans la démonstration technique, mais. C'était déjà le cas en fait dans les trois derniers films, surtout le troisième qui était. Parce qu'il n'est pas gênant en soi. Déjà, parce qu'il y avait une histoire derrière. Parce que ça servait le film. Ça servait le film. Là, j'ai peur qu'on perde un peu cette profondeur-là, qu'on mise peut-être sur une technique, une prouesse technique qui sera évidente, qui sera réussie sûrement, mais qu'on perde un peu la densité du récit, quoi. Et ce qui faisait aussi toute la complexité, toute la beauté de cette franchise. Mais c'est aussi parce que la vraie richesse pour moi du premier film, c'est qu'on il présentait deux personnages. Donc il y avait César et il y avait James Franco. James Franco, je sais plus, il est scientifique dans le film. Et on pouvait finalement s'identifier aux deux personnages. Ouais. Et ça, c'était très fort parce que c'est pas souvent qu'on arrive à s'identifier à un animal, en fait. Et le film, en fait, cassait cette barrière-là. Et c'est ce qui en faisait la force. Et du coup, après, le personnage principal devenait César. C'est vrai. Dans les deux autres. Donc là, justement, c'est là où la technique sert vraiment le film parce que c'est cette performance-là et cette qualité d'image et de modélisation et tout ce qu'on veut qui rend le film fort dans la mesure où bah ouais c'est un personnage tout en 3D auquel on s'attache un peu comme le fait Cameron avec Avatar finalement. Ouais, c'est vrai. Et puis donc après ce qui fait la force de à part étoffé c'est voilà. Le fait qu'on est tiraillé en fait parce qu'on est nous-mêmes des humains mais on est plus pour le... moi personnellement je suis plus pour les singes dans la planète des singes en tout cas les premiers que pour les humains parce que enfin voilà. C'est le film où on est le fléau. C'est et ça, pas c'est ça. Quoi. Et c'est vraiment intéressant psychologiquement et tout. Enfin, moi, je trouve. Et ça pose vraiment beaucoup de questions et c'est tout le temps voilà, d'actualité. Voilà, c'est ça. En plus, et je pense que si Suprématie avait été faite par Disney, on n'aurait pas eu cette fin. On n'aurait pas eu cette fin. Ah bah non. Ah bah non, clairement on aurait pas. Eu quelque chose d'ouvert ouais, et d'aussi et drastique, aurait... quoi, clairement. Donc, ouais. C'est comme tu disais, ouais. Morgane, on y perd un petit peu au change, quoi. C'est clair. Je pense. Voilà. Donc on verra bien. Et surtout. Non, je pense que là, c'est Disney, il faut qu'il laisse ses franchises là tranquilles, ouais, en fait. Ouais. Vu que de toute façon, on sait très bien que. Ah ! Quelle horreur ! Vu qu'on sait très bien que de toute façon, ils auront. Oh, bon, désolé, ils auront pas les couilles de toute façon d'aller. D'être plus subversifs. C'est pas la peine qu'ils essayent de. Enfin, faut pas essayer de franchiser sur quelque chose qu'ils vont pas être capables de mener de la même manière. C'est vrai. C'est ça qui est bête. C'est... Comme bah Deadpool, on sait très bien qu'on verra jamais un Deadpool comme il y a eu avec le premier. Et moi, j'ai pas vu le deuxième encore, mais comme le deuxième, a priori, est aussi. Donc, le Deadpool 3, il est parti. Oui, pour le coup, Deadpool 2, il est beaucoup plus subversif que le premier. Le premier, je le trouvais un peu soft, ouais. Mais le 2, oui. Mais oui, je pense qu'on n'aura pas un Deadpool 3. Ah non, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent d'un personnage comme ça? Ça leur colle pas du non. tout. Non, c'est clair. Ok. Au pire, les trucs qu'ils savent pas gérer, faut qu'ils les envoient à Sony. Ouais, au pire. C'est ça. On échange Spider-Man. Bah non, mais c'est vrai. Hein, je pense que Sony, non, mais, Sony ouais. aura pas peur de héros comme Deadpool ou de franchises aussi complexes comme la Planète des Singes. Bah, de, ils voilà. ont, enfin, ils ont bien géré les. Attends, les X-Men, c'est eux, hein, non? Ah non, c'est Fox. Non, c'est les Fox, X-Men, c'est vrai, c'était la Fox. Ouais. Mais les X-Men, c'est pareil. Il n'y aura jamais un message aussi fort et aussi parce que X-Men, il y a quand même quelque chose d'assez pessimiste hein, dans vrai. Le fond. Et on est vraiment sur de la lutte de classe et tout ça. Donc Disney, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de ça quoi. C'est vrai. Ok. C'est pas assez familial malgré tout. Ils ont beau nous dire et les fans Disney auront beau nous dire ouais, mais faut pas oublier dans leur catalogue il y a des trucs. Oui, mais la plupart des trucs comme ça qu'ils ont, c'est pas eux qui les ont produits, c'est des studios qu'ils ont rachetés. C'est vrai. Donc. Ouais. et l'image Disney n'était pas estampillée dessus. C'est vrai. C'est vrai. Bon, là, c'est pas le cas. Hein. La Planète des Singes, ce sera la Fox. Ben, hein. J'espère. Ah ben, oui. Non, mais je veux dire, la Fox, ils continueront la Fox, oui, quoi. C'est sûr. Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. Mais ouais. après, bon, le rachat est récent. On sait pas trop encore comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont, ils vont finalement peut-être prendre des risques avec des studios comme ça. Le problème, c'est que je pense que, à moins d'avoir vu qu'une dans une grotte, je pense que la plupart des gens savent maintenant que la Fox a été rachetée par Disney. Même a priori les gens qui sont pas à fond dans l'actu ciné, je pense que enfin il y a beaucoup de gens quand même qui en ont entendu parler et bah c'est vrai qu'honnêtement sachant ça tu vas te dire ah ouais donc Disney en fait ils font des trucs quand même un petit peu plus osés mais ce serait bien hein, pour leur image oui, hein, je pense bon. C'est vrai. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Non, moi je pense que la Fox, c'est malheureusement un studio qui va s'éteindre petit à petit. Déjà, ils avaient prévu de faire que 4 films par an, chapeautés sous Disney. Donc, ouais. Déjà, c'est... Mais il faut voir pour Avatar quand même. Parce qu'Avatar, mine de rien, bon, il y avait. Enfin, voir comment vont être les suites d'Avatar, puisque bah, c'est la Fox. Hein. Oui. Oui, mais après, c'est déjà lancé. Tout ce qui est lancé, ils peuvent pas trop y retoucher. Ce sera dans le futur qu'on verra comment ça se passe. Ouais. Et puis bon, ils vont pas se ramener autant pour Josh Boone sur les nouveaux mutants. Bon, on va faire des reshoots hein, parce que ça correspond pas. Mais bon, ils vont pas dire ça à James Cameron. c'est clair. James Cameron, tu te ramènes pas en disant oh ouais non mais faut reprendre là. C'est pas. Tu te fous de ma gueule? Ça fait 10 ans que je bosse sur mon film, connard. Donc c'est non, c'est pas. Non. Je pense que là, il y a des trucs comme ça. James Cameron, heureusement, est un privilégié. Je pense que les suites d'Avatar, on aura vraiment ce qu'il voulait nous montrer. Si ça prend pas 10 ans pour chaque film. Et en tout cas, je l'espère. Si ça prend pas 10 ans pour chaque film. Bah, a priori, là, bon, il tourne, il fait tout. Hein. Mais les acteurs commencent à dire que c'est un sacré bordel, apparemment. Ouais, tu m'étonnes. C'est très compliqué, hein, parce qu'ils tournent les scènes de tous les films en même temps. Quelle et horreur. Du coup. Putain. Ça doit être horrible pour les personnages. J'ai une grosse pensée pour les monteurs qui doivent dérocher tout ça. Non, c'est clair. J'ai vu ça non, sur Allociné cette semaine. Stephen Lang, qui jouait le grand méchant dans Avatar, disait que c'était compliqué apparemment de tourner. C'est clair. De tourner plusieurs films en même temps, parce qu'il fait le problème, c'est qu'on pense pas du tout son personnage de la même manière. C'est sûr. On verra bien quand ça sortira. On en parlera temps et en heure. C'est censé sortir cette année normalement encore, hein, Avatar. Avatar normalement c'est cette année, ouais. Bon. J'ai l'impression que chaque année on dit ça. Hein. Bon, voilà. Là, ça se précise quand même un petit peu plus. Voilà. Bon, du coup, on va passer à la suite avec complètement autre chose. Ah, je l'ai pas vu ça. Ok. C'est pas grave. Hein. Bon, tant pis. Donc, on va parler d'une autre bande-annonce. 27 ans après le film de Bernard Rose, Candyman, du coup, est de retour dans un nouveau film produit par Jordan Peele. Bernard Rose, c'est le mec de Zorro, non? Ah non, c'est Bernard Rose. Oh, oh là là, c'était... c'était pas cherché. Ouais. Mais ouais, quelle ouais. Tu me déçois, Morgan. Ouais, moi aussi. Là. Du coup, ce film, ce remake est... est produit par Jordan Peele, comme je l'ai dit avant, réalisateur de Us et de Get Out, hein, notamment. Voilà. J'applaudis. Du coup, ce film, à l'instar de l'original de 92, se déroulera à Chicago, mais montre une ville Chicago. transformée. François. du coup, à Chicago, où vivent un artiste et sa compagne, directrice d'une galerie, le premier prend connaissance de la légende de Candyman et commence à s'inspirer de ses détails macabres pour ses peintures, mais il fait ressurgir sans le savoir un passé sanglant et voit sa raison vaciller. On peut voir dans ses premières images que le héros et Candyman semblent n'être qu'une seule et même personne. Du coup, Yahya Abdul Mateen, qu'on a vu dans la série Watchmen, incarne le... Abdul Mateen... Incarne le héros. Il est entouré de Tayona Paris, elle a joué dans Sibyl Street pouvait parler, Nathan Stewart Jarrett qui jouait dans Misfits et Coleman Domingo. Les fans auront le plaisir de retrouver Tony Todd qui interprétait interprète original du Boogeyman en 92 dans un rôle encore inconnu. La mise en scène a été confiée à Nia DaCosta, une réalisatrice inconnue du grand public qui a signé quelques épisodes de la série Top Boy. Jordan Peele, producteur du film, en signe le scénario avec Wynne Rosenfeld. Candyman, c'est quand même c'est une icône du cinéma fantastique. Personnellement, j'ai pas vu les films, c'est un croque-mitaine qui est né sous la plume de Clive Barker, à qui l'on doit une autre figure phare du cinéma d'horreur, qui est Pinhead de Hellraiser. Donc tête de pin. Putain. Tu traduis c'est tête de pin. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, merci super. Morgan. Il est très bon en anglais donc il est fier. Moi à chaque fois que j'entends ce mot, je pense à pin vitre mais ça c'est pour les plus anciens, c'était Antoine Decaune qui faisait le personnage. Oui. alors ça c'est vraiment du coup chacun sa culture. le film Candyman, c'est un descendant d'esclaves torturé et brûlé vif, il revient d'entre les morts pour assouvir sa vengeance et apparaît au vivant lorsque son nom est prononcé 5 fois devant un miroir. Le Candyman de Bernard Rose avait donné lieu à deux suites en 95, Candyman 2 et Candyman 3, le jour des morts. Le film devrait sortir le 17 juin 2020, sauf report. Voilà. Une bonne annonce qui est quand même assez intéressante, pour moi qui n'a vu aucun Candyman, mais qui connaît un peu la légende, c'est rentré un peu dans la pop culture, le fait de dire Candyman 5 fois devant Alors moi je savais ça avec Bloody Mary, mais pas avec Candyman. Ouais, c'est un peu la même chose, hein, c'est clairement la même chose. C'est Bloody Mary, je crois que c'est 3 fois, et Candyman c'est 5 fois. Enfin bref, voilà, un peu des légendes. Légendes urbaines. Les femmes viennent plus vite quand on les appelle. Oh putain. Merci Morgan, merci pour ce moment de finesse ultime. Du coup, le film, visuellement et tout ça, il a vraiment l'air de prendre la patte un peu de Jordan Peele, de Get Out et Us. C'est vraiment totalement la même ambiance visuelle, sonore et tout ça. C'est pour le plus grand plaisir de ceux qui ont aimé ces films, hein, Morgan. Voilà, moi je suis curieux de voir ce film. Je pense que je verrai quand même le film original Ouais, c'est l'occasion, ouais. Moi non plus, ouais, je l'ai pas vu. C'est un slasher, hein, clairement. Ça a l'air d'être assez intéressant et assez original, le fait de le faire apparaître comme ça. Le fait de le détourner aussi dans ce film, puisqu'on a l'impression que le héros est en même temps Candyman, mais on n'est pas vraiment sûr, en tout cas, de ce que la bande-annonce raconte. Donc, c'est... Franchement, moi, il me rend curieux, ce film, parce que on sent vraiment... une ambition derrière ce film, une ambition de vraiment faire un vrai film d'horreur, et ce renouveau du film d'horreur, justement, à la Get Out, à la Us, avec un petit quelque chose d'original qu'on n'a pas vu, mais l'appliquer sur une figure connue, moi ça m'intéresse franchement pas mal, même si je connais pas du coup le film original. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis visuellement, le film a l'air vraiment super bien travaillé, bien réalisé. Donc, curieux de voir ça. Morgane, toi, tu as, du coup, comme tu viens de le dire, tu n'as pas vu non plus le film original. Non, j'ai pas vu, mais ça donne envie quand même. En plus, j'aime bien l'acteur qui joue Candyman. Ouais. Je trouve qu'il a une gueule de cinéma assez, assez imposante. Mmh. Et du coup, c'est l'occasion. Mais en tout cas, sur le trailer de ce remake-là, ouais. Moi c'est la patte Jordan Peele qui, même s'il n'est que producteur, pour sens. Moi il y a ouais. tout tu la sens beaucoup. Et les scénaristes, j'aime hein. tellement voilà je suis et scénariste ouais. en plus. Donc je pense que ça va c'est clairement c'est un remake qui était fait pour lui. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas réalisé oui, d'ailleurs. C'est vrai. Peut-être qu'il était occupé à faire j'aurais autre chose. Aimé. Hein. tu sais, il a aussi la série Twilight Zone hein, qui produit le remake de la quatrième dimension. Donc ouais, il fait pas mal de choses. Après, j'avais jamais osé le voir Candyman parce que je me souviens des jaquettes que je voyais au Vidéoclub quand j'étais petit. Et en fait, il y avait des guêpes, des abeilles dessus là. Et j'ai la phobie de ces trucs-là, c'est pas la peine. Moi, je peux pas. Donc après, je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont en faire quand même. Est-ce qu'il y aura, peut-être un discours politique derrière. Sûrement, de toute façon, Jordan Peele, c'est toujours très politisé de toute façon. Donc à voir comment il va mettre en scène son discours politique avec une histoire comme ça. Donc non, franchement, visuellement, je suis assez conquis. Là où je trouve que c'est assez insipide dans le cinéma de genre, on n'a pas des films marqués. Enfin voilà. Mais je trouve que ça ressemble un peu à ce que. Bon, peut-être Invisible Man, il a l'air un peu plus la patte est un peu moins marquée. Oui, oui, après c'est pas de l'horreur pure Invisible Man, on est vraiment dans du thriller fantastique avec un double discours évidemment là. Mais après sur Candyman qui a l'air vraiment plus d'être de l'horreur pur jus, ça m'intéresse vraiment. Je suis assez curieux et j'ai hâte de voir. D'accord. Ça. Edith, du coup, t'as pas vu la bande-annonce, donc je vais pas te demander si ça t'intéresse. Ben non. T'as pas vu non plus le film original, je pense. Ouais. Non plus. Voilà. Ouais, ça, désolé. Grave, hein, c'est... Mais pourquoi pas, après, pourquoi pas, par rapport à ce que vous pouvez en dire. On va peut-être parler d'un film qui t'intéresse peut-être un peu plus. Robert The Bruce, la suite, c'est du coup de... Alors, j'étais pas du tout au courant de ce projet. Oui, moi non plus, c'est sorti de nulle part, un peu. Mais bon, pourquoi pas. Donc, Robert The Bruce, c'est la suite du film culte Braveheart. Après William Wallace, Robert The Bruce, roi des Écossais entre 1306 et 1329, part au combat, à nouveau interprété par l'acteur Angus McFadden, qui retrouve son personnage près d'un quart de siècle plus tard. Donc le film devrait sortir le 24 avril prochain dans les salles britanniques, sauf report. Une sortie qui coïncidera avec les 25 ans de la sortie en salle de Braveheart, mais surtout avec le 700e anniversaire de la déclaration d'Arbros qui vit Robert Ier déclarer l'Écosse terre libre. À noter qu'il y avait un autre long métrage qui était centré sur ce personnage, Robert The Bruce, qui est sorti en 2018 sur Netflix, intitulé Outlaw King, qui voyait Chris Pine interpréter cette figure historique entourée de Florence Pugh et Aaron Taylor Johnson. Florence Pugh, pardon. Toujours du mal avec ce bref, ce nom. Oui, il fallait pas mettre le G. Eddie, toi, je sais que tu aimes beaucoup Braveheart. Yes. De toute façon, les films historiques, hein, c'est ton dada. En général, c'est vrai que j'aime plutôt bien. Je te comprends, hein, c'est, c'est génial. Quand c'est bien. ouais. Quand c'est bien. Mais Brevard pour le coup, ça c'est, peut être c'est bien. Pas bien. Du coup. Mais Brevard, c'est, ouais, c'est génial. Oui. C'est pas non, parfait. C'est pas parfait ouais. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'anachronisme oui, ouais. qui a l'air de moins avoir dans ce qu'on peut voir dans la bande-annonce de ouais. celui-ci. Mais par contre, oui, c'est un excellent film, Brevard. C'est vrai. Et du coup, ce film t'intéresse, te rend curieux? Le truc, c'est que ça fait un peu cheap, en fait, la bande-annonce. C'est pas faux. C'est... Quand tu passes de caméo à ça, t'as l'impression qu'il y a moins de, il y a moins de budget dans ça. Ah que bah Camelot. Oui, ouais. Après, je pense que le sujet peut être très intéressant, mais ça fait un peu, un petit peu cheap, ça fait très téléfilm par moment, même. Donc, bon, après, voilà, Robert Labrute, ouais. qui est un personnage intéressant au demeurant. Après, à voir, je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Mais je pense qu'après, Brevard, c'est suffisamment culte, en fait, pour attirer oui, encore c'est sûr. Du monde. Bon, heureusement qu'ils font la pub dessus, parce que sinon, ça passerait inaperçu, je pense. C'est clair, ouais. Donc pourquoi pas. Après, il y a quand même une démarche, c'est le même acteur, c'est bon. Oui, c'est ça, à voir. C'est ça qui le rend aussi intéressant, c'est que le fait que ce soit vraiment le même acteur qui est joué dans Brevard, quoi. Donc. Après, le film est considéré comme une suite. Oui, voilà, c'est ça. Donc. Il a été présenté au Festival d'Édimbourg en 2019. Ouais. Donc voilà. Non, mais moi je suis pareil que toi. Hein. C'est, je trouve l'abondance peut-être un peu cheap à certains moments. Mais en même temps, je suis curieux de le voir parce que j'aime beaucoup ce genre de film. Et là, ça a l'air d'être. Voilà, ça a l'air d'être dans la même veine que Brevard, peut-être avec un peu moins d'argent. Mais en tout cas, ouais, moi je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles histoires comme ça. Et puis le fait, que, comme tu as dit, hein, qu'ils reprennent le même acteur, c'est vraiment cool. Donc voilà. Morgane, toi, Brevard, t'aimes bien? T'aimes pas? Bah, moi, je me demande. C'est une suite de Brevard. Pourquoi Mel Gibson ne revient pas quand même? Mais parce que. Je sais bien, je sais. Non, mais je sais, c'était une blague. Non, au-delà de ça, alors, on c'est peut bien qu'il joue Brevard, sur la. Tu penses? Bah oui, mais de toute façon. Voilà. À la fin, voilà, il meurt. Oui, voilà. Et puis la scène est devenue iconique, hein, de toute façon. Donc, mais voilà, liberté. Avec voilà. Le maquillage bleu. Liberté là, mais... Ça, c'est les Italiens dans quelques mois. Oh, Morgane! Quoi? Bah, ils vont crier. Non, ils vont crier liberté, ils vont pas mourrir. Mais non, j'ai liberté. Ça pouvait être interprété de deux manières différentes. Hein. Non, évidemment. Non, après, alors oui, j'ai vu la bande-annonce. Moi, c'est typiquement le genre de film qui ne m'intéresse absolument pas. Ah, bah oui, pas. Ça, c'est sûr. C'est vraiment tout ce qui est. Alors, les histoires de médiéval. On va dire de chevalier. Voilà, médiéval, cherchez le mot. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout un style de cinéma vers lequel je les vais. Les visiteurs, t'aimes bien. ça c'est génial, ça. Voilà, ça, c'est cool. Mais un film sur Godefroy de Montmirail. Pardon. Ça m'a fait peur. Désolé. Oh là là. En plus, je regardais Mulder à ce moment-là. C'est lui qui a gueulé. C'est lui qui a gueulé. Mon Dieu. Surtout que ça n'est pas du tout le Pays de Galles, c'est l'Écosse. Mais en tout cas, bref. je suis pas un adepte de ces films-là, donc effectivement, la bande-annonce fait un peu cheap quand même. Mais je trouve ça bien, l'idée de que l'acteur revienne, enfin que ce soit le même acteur, voilà. Il y a quand même une vraie démarche de vouloir bien faire, quoi. Voilà, et parce que en fait, je pense que peut-être que, enfin oui, ça joue sur la suite de Brevard, mais parce que c'est le même acteur. Mais au final, un autre acteur avec le même film, tout ça, même bande-annonce, ils auraient peut-être pas, enfin je crois pas, non. Après, paraît-il que le film de Netflix est très bon avec Chris Pine. Ouais, et. Ouais, mais en plus. Sur le même sujet. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais le problème, c'est que je ne prends pas le temps, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a tellement de choses. mais oui, du coup, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plus Mel Gibson qui réalise, parce que Mel Gibson avait réalisé Brevard quand même. Ben oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est Richard Gray qui est un inconnu, parce que je vois que tous ses projets sur Allociné ont des dates de sortie inconnues. Donc, ouais, non, c'est étrange comme choix de pas reprendre. Bon, après, c'est sûr qu'il est, c'est un peu une figure controversée aussi en ce moment, mais bon. Oui, mais après, non, c'est pas un style de film vers lequel je vais, donc je vais passer mon chemin largement. Ouais, d'accord. Même Brevard, hein, j'aime bien, mais. Sans plus. Ok. Bah, j'aime beaucoup, mais c'est pas un film que je revois. Oui, je comprends. Ouais. Je l'ai vu une fois. Alors que moi, ça fait vraiment partie de mes films de chevet, quoi. Oui, bah oui, c'est clair. Ok, très bien. Passons à l'avant-dernière news qui concerne Indiana Jones 5. Du coup, alors que Steven Spielberg devait réaliser le cinquième opus de cette saga et qu'il devait entamer le tournage dans 2 mois, il a révélé au site Variety qu'il ne réalisera pas ce cinquième film, disant qu'il est désireux qu'une nouvelle génération s'empare du mythe Indy et lui apporte une vision nouvelle, puisque actuellement le cinéaste travaille actuellement sur la post-production de son West Side Story. Il restera toutefois engagé en tant que producteur sur Indiana Jones 5. Il y a des rumeurs, selon Variety, que James Mangold, du coup, à qui on doit Logan et récemment Le Mans 66, actuellement en discussion pour le poste. Pour l'instant, on n'est pas sûr. C'est que des rumeurs. Indiana Jones 5 verra du coup Harrison Ford retrouver son iconique personnage d'archéologue pour une sortie prévue normalement le 7 juillet 2021. Voilà. Du coup, moi c'est plutôt le fait de voir Indiana Jones 5 qui me rend triste, c'est pas le fait que Steven Spielberg ne le réalise pas. Parce que je pense que ça suffit, on en a vu assez. Voilà. Et surtout, oui. Le fait de revoir Harrison Ford à l'écran en indie, ça va vraiment faire du mal au cœur, quoi, clairement. parce que j'aime tellement Bah déjà, c'était pas évident de le revoir en Han Solo, alors. Ouais, et pourtant il avait pas grand chose à faire quoi. Dans ce Star Wars 7, donc du coup, ouais, là de le voir en tête d'affiche d'un film d'aventure quoi, c'est compliqué quoi. Enfin, je sais pas comment ils vont gérer ça, je sais pas quel scénario ils ont prévu pour pallier à ça, mais on verra bien ce que ça donnera. Est-ce que Chia LeBeouf va revenir jouera à nouveau son je pense que tout le monde l'a détesté et du coup il reviendra pas. Non, mais lui, il est tellement. Ouais, il est perché. Hein. Ouais, il est tellement perché, je pense que lui, de toute façon. Ouais, il vague un peu partout. Hein, c'est... Ouais. Voilà, donc. Je sais que c'est pas un projet qui vous intéressait particulièrement, Indiana Jones 5. Mais. Bah, déjà qu'avec Spielberg, c'était pas intéressant. Ouais. Là, c'est encore. Donc là, en plus, c'est pas lui. Bon. Ça vous intéresse encore moins et. Ouais. Voilà. Morgane, wow. C'est pareil. Alors, moi j'ai envie de dire, je crois que Spielberg, enfin j'ai l'impression qu'il nous prend un peu pour des cons aussi, parce que ça, pour moi la vraie raison c'est pas oui je veux qu'une nouvelle génération, non c'est qu'il a pas envie de le faire, clairement, et je pense qu'à juste titre, hein, qu'il a tellement eu une mauvaise expérience avec le 4 qu'il a pas envie de reprendre le risque, ouais. Oui il a pas envie. Après, moi j'ai pas, alors Indiana Jones en fait je n'ai vu que les deux premiers et le troisième je n'ai pas bien. Aimé je n'ai pas aimé le 1 oh. Non le 1 il me non j'accroche moi j'aime pas. Bien le premier j'aime pas le 2 j'aime bien le 3 voilà j'avais aimé le 2 dans mes souvenirs mais bon, après peut-être falloir que je les revoie non moi le 2 c'est j'ai... non il va falloir que je les revoie quand même moi je veux pas cette scène de dîner me non oh, oui, je possible sais. Mais c'est des faux, hein. Après. C'est pas des vrais. Oui, je sais, mais je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas imaginer manger du cerveau de singe. Non, ni des serpents farcis aux serpents, ni. Non. Ouais, tellement bon, tellement bon. Oh, arrête, ça me dégoûte. Du coup. Mais du coup, c'est vrai que l'idée d'un cinquième, déjà, m'intéressait pas. Par Spielberg. M'intéresse pas non plus. Après, bon, par un autre. Moi, j'aimerais bien voir un l'intérêt. Autre, mais aussi un autre indie, du coup. Pas voilà, Harrison Ford. Voilà, je pense que ce sera pas du tout. Ce sera. Je sais pas, il y aura un truc qui va être brisé. Après, que ce soit par Mangold ou par un autre, je pense que Mangold, c'est peut-être le moins pire. Mais ça va pas non plus être. Oui, ce sera pas la même. Ambition que ça a été enfin pour les 3-4 premiers quoi voilà ouais. Donc ouais non c'est un peu ça nous rendait déjà pas joyeux de voir le 5 apparaître avec Steven Spielberg alors si en plus il se barre c'est super voilà Ben du coup, on va passer à la dernière news qui nous ravit, je le crois. Les Césars 2020, le palmarès. Ben, je vais vous rappeler un peu tout ce qui s'est passé. Enfin, tout ce qui s'est passé. Déjà, le palmarès. Du coup, meilleur film, meilleur espoir masculin et meilleur montage et César du public pour Les Misérables de Lajli, qui s'impose comme le grand gagnant de cette cérémonie. Alors, il y a également meilleur réalisateur pour Roman Polanski. Je pense qu'on en reparlera. Meilleure actrice Anaïs Desmoustiers pour Alice et le maire. Meilleur acteur Rojdi. Elle a niqué game. Elle, franchement, personne l'attendait. Hop, Anaïs Desmoustiers. Et c'est très bien. Bah oui, elle est bien cette actrice. Elle est sublime, elle est magnifique. Meilleur acteur Rojdi Zem pour Roubaix une lumière, de ton réalisateur préféré, je crois, Morgan. Hein. Oh putain. En plus, il me follow sur Twitter, ah bon, monsieur Desplechin. Mais oui, unfollowez-moi, je ne vous aime pas. Desplechin, comme tu l'appelles. Desplechin, mais oui, mais j'ose pas le dire maintenant. Il me follow. Swan Arlo pour Grâce à Dieu. Ouais. Fanny Ardant pour La Belle Époque, Lina Koudry pour Papicha en meilleur espoir féminin, meilleur espoir masculin, Alexis Manenti dans Les Misérables, meilleur premier film Papicha, et puis après meilleur film étranger Parasite, hein. Meilleur scénario original Nicolas Bedos pour La Belle Époque, meilleure adaptation, Roman Polanski et Robert Harris pour J'accuse. Meilleur costume, Pascaline Chavanne pour J'accuse, et Stéphane Rosenbaum pour La Belle Époque. Meilleur décor, meilleur film d'animation, et j'arrêterai là. Il y a encore une meilleure musique originale. Meilleur film d'animation, J'ai perdu mon corps, et meilleure musique originale, Dan Levy pour J'ai perdu mon corps. Voilà. Ah, et peut-être la meilleure photographie, Claire Marathon pour Portrait de la jeune fille en feu, qui est, je pense, méritée. Non, Maton, pardon. Maton. Excuse-moi. D'ailleurs, mais elle a eu César la meilleure photo, Maton. Je la valide. Ouais. Celle-là, ça va. Ouais, ça va. Non, mais elle n'est pas aussi. Maton. Ça va parce qu'elle s'y voilà, prête. Voilà, c'est ça. Sinon, non, l'autre, elle était horrible. Je ne veux même pas m'en souvenir tellement. bref, du coup, cérémonie assez marquée. Toi, Morgane, tu es le seul parmi nous à l'avoir regardé. Vu. Ouais, avec un petit moi j'ai vu l'ouverture. Ouais. Du coup, j'ai vu l'ouverture. Alex, bah, c'est en clair. Au pire, on peut regarder. Ah, j'ai oui, si t'as besoin de dormir, regarde. Et en finale, on n'a pas regardé. D'accord. On a regardé que l'ouverture parce que Foresti était rigolote. Quoi, comme d'hab. Voilà. Après, c'est chiant. Dans un exercice qui était très particulier parce que effectivement. Ah ben moi, je suis très heureuse d'être là. Enfin, heureuse. C'est pas le mot qui prédomine. Alors ça déjà, moi ça m'a bien fait rire. Oui, bah, de toute façon, il fallait parler en plus de choses un peu polémiques avec beaucoup d'humour. Il fallait une showgirl comme elle pour le faire. Bon, je suis pas trop d'accord avec la fin pour le coup. Je pense que quand on te paye, tu restes jusqu'au bout. Ouais. Enfin, moi, on m'a toujours appris ça. Hein, quand enfin, quand t'es payé, peu importe le métier que tu fais, tu restes jusqu'au bout, quoi. Tu ne te barres pas de ton poste comme ça. Enfin, je veux dire, je vais faire un parallèle avec. Parce que sur Twitter, on m'a un peu repris. On m'a dit que c'était pas pareil pour moi parce que j'étais pas une personnalité politique. Mais je vais revenir après politique publique. Mais je vais faire un parallèle avec mon domaine professionnel et Eddie sera d'accord avec ça. En soi, la cérémonie était un peu chiant. Je trouve parasitée. Justement, chiant, c'est peut-être pas le mot parce qu'il y avait des moments qui étaient un peu gênants, mais comme dans toutes les cérémonies. Bon, Emmanuel DeVos, était très drôle. Elle était assez drôle. Moi, j'aimais bien justement la fausse coach sportive. Le Raphaël Pain. C'était assez drôle. Ouais, voilà, quand elle a dit quand tu perches bien, tu peux tenir 15 minutes sur un kéchiche sur un cunilingus. C'est assez drôle finalement. C'était une cérémonie qui était très politisée, effectivement. Et après, bon, c'est pas forcément ce que j'attends d'une cérémonie, mais en même temps, là, le contexte, c'était inévitable par rapport à Polanski, on va le dire, parce que là, pour le coup. Il faut aussi prononcer son nom, faut pas non plus faire les frileux. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie aussi hein, dans cette cérémonie. Et aussi beaucoup de franchises qui ont été un peu Fanny Ardant. Elle a défendu Polanski, hein, effectivement. Maintenant, le seul qui, pour moi, a eu le discours le plus lucide, le plus posé, c'est Roche Dizem, après coup. Je vous invite à écouter vraiment ses... Voilà, il a parlé de génération. Il a dit qu'on était en plein conflit générationnel et il a tout compris. C'est, on ne pourra jamais être d'accord de toute façon. Nous, la jeune génération, on ne voit pas les choses de la même manière. On n'est plus si jeune que ça, Morgane. On est jeune. Arrête de lui casser mais, son on voit plus la même chose qu'Isabelle Huppert, que Catherine Deneuve. C'est une autre époque et voilà, faut faire avec. Oui. Maintenant, la cérémonie en elle-même, donc elle était un peu longue, forcément. Je suis un peu déçu des récompenses, pour le coup. Soit Narlo est très bien, Nicolas Bedeau, je suis content. Fanny Ardant, j'en parle même pas parce qu'elle est magnifique dans son film. Mais après, Les Misérables, j'avoue que. Voilà, en tant que film, je suis pas convaincu par le film. Mais la cérémonie était très bizarre parce que c'est vrai que la fin, par rapport à ce qui s'est passé, dès l'instant où Polanski a été primé, il y a eu un changement total. Enfin, je veux dire. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que J'accuse a quand même été primé avant. Il a bien reçu des récompenses avant la fin. Ouais, mais en tant que film, voilà, que là, on a récompensé Polanski. Le fait de récompenser le film plutôt que le. Oui, parce que ça, on l'avait accepté. Hein, on l'avait accepté. J'accuse meilleure adaptation. Et l'avait accepté. Meilleur costume aussi. Hein, voilà. Meilleur costume, on l'avait accepté. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que face à Céline Sciamma, face à François Ozon qui réalise un film, grâce à Dieu, tu sens que c'est. Et c'était mérité parce que le film est vraiment bon, quoi. Enfin... Grâce à Dieu ? Ah oui. Oui, mais tout comme J'accuse aurait eu le portrait de la jeune fille en feu, je l'ai pas vu. A priori, c'est très bon aussi. Donc C'est très chiant pour moi, mais bon. Mais après, c'est très beau. Maintenant, c'est vrai que François Ozon, j'aurais aimé symboliquement qu'il reparte avec le César du meilleur film ou meilleur réalisateur. Après, J'accuse, il aurait eu le César du meilleur film. J'aurais dit, comprends. C'est un très bon film, J'accuse. Ouais. C'est un super film, on va pas se mentir. Hein. Donc, mais de le donner de façon nominative à Polanski. Ouais, j'y vois une part de provoque et une forme d'indécence qui, moi, me dérange et on est au-delà du cinéma. C'est soit provoque, soit complètement idiot. Ouais, les non, deux. Mais, oui, voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est ou alors ils imaginaient pas les répercussions, ils étaient vraiment cons. Non, mais quand j'ai... En fait, parce que moi, je me suis couché, hein, j'ai pas regardé les Césars, mais quand je me suis levé et que j'ai vu tout ce qui s'était passé, première chose qui me passait par la tête, c'est vraiment, mais ils sont idiots. Vraiment con, quoi. C'est vraiment clair. Oui, ils sont idiots. D'avoir donné ce César précis à ce mec, quoi. C'est vraiment. Et compte tenu du climat ambiant dans la salle, le départ d'Adèle Haenel, pour moi, il est même il y a quelques connards sur les réseaux sociaux là, qui disent en fait, elle était juste énervée parce qu'elle n'avait pas eu son prix. Mais je pense qu'elle s'en tape de son prix et que, compte tenu de ses déclarations récentes. Forcément, c'est pas l'actrice qui s'en allait, c'est la femme qui a été abusée, selon ses dires. Et voilà. Après, bon, effectivement, alors il y a aussi on peut en parler, Lajli qui aussi a eu des, voilà, bon, d'un avis personnel, il a purgé sa peine. Donc, alors qu'il y en a un qui fuit. Voilà. Après, c'est sûr quand tu vois les choses comme ça. Mais ce qui m'a dérangé après, c'est surtout qu'on a fait beaucoup de tapage sur Polanski. Alors effectivement, Polanski n'a pas purgé sa peine, c'est voilà. Mais Lajli, je veux dire, même qu'il ait purgé sa peine, ça n'empêche pas. Tout n'est pas pardonnable, purgé ou pas, en fait. Bah après, faut faire. Quand t'as purgé ta peine, faut faire preuve ce qu'on appelle d'altérité. Je pense que j'aurais pu l'avoir si Polanski avait purgé. De la même façon que. Là, je vais faire un parallèle. Une personne m'a repris quand j'ai dit que parce que ça a tapé un peu sur Hanouna comme d'hab, parce que Hanouna a révélé le salaire de Foresti et il y en a qui ont vu une forme d'indécence. Et Foresti qui a répondu derrière, parce que Cyril Hanouna qui bosse un peu pour Canal, hein, le groupe C8, il a annoncé un salaire de 120 000 euros. Foresti a dit non, j'ai touché que 18 000, machin, machin. Or, les deux ont raison. Elle a bien touché 120 000 euros. Mais sur les 120 000, c'était 120 000 euros qui ont été distribués à sa société à elle, et sur les 120 000 euros, elle s'est attribué 18 000 euros. Mais dans les faits, on lui a donné 120 000 euros. Et moi, j'avais dit que je trouvais ça quand même, on te donne 120 000 euros, même si c'est compliqué, tu restes jusqu'au bout. Je vais prendre un exemple personnel, on nous l'a appris en cours. Mais l'autre, après, enfin, de toute façon, Hanouna, quoi. Enfin, après, je comprends même pas pourquoi on est en train de parler d'Hanouna maintenant. Non, mais c'est parce que. On s'en fout. Enfin, moi, je. Non, c'est pour faire un parallèle. D'entendre parler de ce mec et qu'on lui donne du crédit, tu vois. C'est ça, on s'achète. Après, moi, je l'aime bien, donc j'avoue, voilà. Ouais, mais lui, c'est pareil. Je veux dire, là, tu vois, si on. Lui, déjà, il aurait. Enfin, il y a beaucoup. Tu vois, on parle de Polanski, on parle de Lajli, mais bon, on pourrait parler d'Hanouna aussi, hein. Il est pas blanc comme neige. Enfin, il y a des trucs qui se sont passés dans son émission, déjà. Moi, je comprends pas qu'il soit tout le temps à l'antenne. Il y a plein de choses. Il y a alors là, pour le coup, on en parlera en off, mais il y a beaucoup des choses. Par exemple, le canular homophobe, c'était du fake. Hein. On s'entend ouais, bien. Mais, ouais, mais peu importe. Tu vois l'impact que ça a derrière sur des gens, sur plein de choses. Donc, déjà, lui, il est mal placé pour la ramener aussi. Voilà. Non, après, bah, on va en parler en off parce que c'est pas le truc. Non, mais, j'ai pas forcément envie d'en parler en plus après parce qu'il me gonfle et je trouve que. Même sans être abonné à quoi que ce soit, sur Touche pas mon poste, on entend parler partout. Et. Donc non, Hanouna, c'est moi j'en entends parler, mieux je me porte, mais ce qui serait bien c'est qu'il ferme un peu sa gueule et qu'il nous foute la paix quoi. Après un imbécile est... pareil honnêtement. Après on est un peu comme nous dans la mesure où nous on peut très bien révéler le salaire d'un acteur, ça fait partie du truc. Là on parle de médias donc voilà, c'était mais après c'est comment lui, ça a été repris. C'est, mais c'est, Hanouna c'est pour se faire mousser Hanouna, c'est toujours très dirigé et c'est comme son émission finalement le principe on le connaît plus vraiment très bien parce que finalement ils sont toujours en train de s'engueuler, enfin c'est ces personnes-là sont pas hyper légitimes, je trouve, pour parler de quoi que ce soit. Pour le coup, pour y avoir été deux fois, c'est du spectacle, hein, clairement. Hein, c'est, oui, voilà. Ça marche. Donc, bah, et les gens reprennent quoi, ça et prennent ça du spectacle sur des choses qui se prêtent au spectacle et pas là-dessus, quoi. Non, mais après c'est voilà, ça c'est une tête. Parce qu'Hanouna, pour parler des polémiques, bon, il est bien gentil, mais bon, qu'il n'en crée pas dans son émission et puis qu'il revienne après. Après, bon, pour revenir au sujet, moi, on m'avait dit. Non, parce que je suis pas d'accord. Non, après, je connais un peu le droit. Je déteste Hanouna. Moi, je non, je. Écoute, veux pas, ouais, c'est pas grave. Chacun a son avis sur Hanouna. C'est pas vraiment la question. Après, je défends pas Hanouna, je défends l'émission. Non, parce bien que sûr, les, voilà, surtout son émission politique. Il faut. Voilà. Mais ouais. Après, par rapport à ça, parce que c'est pas dans TPMP qu'on en a parlé de son salaire. C'est dans l'émission politique qu'il présente le jeudi. Après, moi, je trouve quand même qu'il faut honorer quand même son contrat et que son départ, aussi légitime soit-il. Alors moi, on m'avait dit sur Twitter, c'est pas pareil, te compare pas parce que t'es pas une personnalité publique. Mais justement, c'est encore pire. Justement, elles ont une visibilité publique. Elles doivent montrer justement l'exemple aussi. Bah oui, et par exemple, c'est par ces gens-là que la parole passe. Et il y a beaucoup de, c'est parce qu'on peut s'identifier à ces gens-là aussi que justement on peut que les choses peuvent bouger. Donc qu'elle mette qu'elle soit écœurée sur Twitter, très bien. Bien sûr, elle aurait dû rester jusqu'au bout. Bah oui, puis surtout qu'après ça crée un malaise parce que tout le monde se disait mais pourquoi elle revient pas. Et moi, par exemple, dans mon métier à moi, enfin dans mon domaine, on a à peu près le même Eddie. On en parlait en cours. Faut faire preuve d'altérité. Admettons, on me charge de m'occuper de la toilette d'un monsieur qui a 80 ans, mais on m'annonce que ce monsieur-là a fait de la prison pour pédophilie. Qu'est-ce que je fais? Je me barre? Bah non, je suis obligé d'honorer mon truc. On me paye pour m'occuper de ce monsieur-là. Donc, peu importe son passé judiciaire, je dois faire. Je suis payé pour ça. Et voilà. Donc, c'est le parallèle que j'ai fait. Et la personne ne m'a pas répondu. Donc, j'estime que j'ai raison un peu. Donc, sur le coup, Foresti, elle aurait peut-être pas dû partir parce que malheureusement, ça se retourne contre elle. Malheureusement. Je pense qu'elle va perdre beaucoup au change. Alors oui, elle est acclamée Queen Foresti machin. Moi non. En tout cas sur le discours, sur sa prise de parole. Ça m'empêchera pas de me marrer à son prochain spectacle. Bien sûr. Non mais elle en même est pour des rôles, pour tout ça. Je pense que. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a. Tu sais, Foresti a fait deux trois films comme ça. Après, c'est pas son métier non plus. Hein. Non, mais après. Pour savoir s'entourer aussi. Enfin, malheureusement, c'est un métier un petit peu, je pense, où c'est un peu houleux quand même le domaine de l'art et domaine du spectacle. Et du coup, je pense que si tu perds un peu des copains et que tu te retrouves seul, bah, au bout d'un moment, tu coules, quoi. Ouais. Je pense. Et après, voilà, sur la cérémonie en elle-même, voilà, j'ai aimé sa prise de parole. J'ai trouvé qu'on avait quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, qui m'a beaucoup rappelé Ricky Gervais. Ouais. Qui tapait sur les gens sur qui il fallait taper. Quelques moments gênants à Issa Maïga, même si le fond de son discours était très pertinent, la fin. Ouais, alors, voilà, c'est pareil. C'est quoi ces filles qui viennent à des cérémonies, qui se sont pomponnées et tout, qui viennent parler comme des racailles? Tu fais gaffe à ce que tu dis, tu as une prestance à avoir. Enfin, Ah non, c'est plus sur le côté... Et même, même les allusions avec Vincent Cassel, voilà. Enfin, c'était gênant, ridicule. Oui, c'était déplacé. Et on ne comprenait rien en plus. Mais surtout, sa différence d'âge, ça ne regarde personne. Ça regarde elle, enfin ça le regarde lui et sa compagne. On n'a pas à se dire, oui, t'es beaucoup trop vieux pour elle. Mais de quel droit on juge les personnes? Enfin, je veux dire, partant de là, il y a une différence d'âge avec mon copain. Et voilà, quoi. Et ça pose un problème, j'emmerde la personne en question. Donc ça, et là, pour le coup, on n'est même pas dans le cinéma. Par contre, il y avait un discours, effectivement, sur les minorités, etc. Ça, c'est important de le dire. Par contre, la différence d'âge, je trouvais ça totalement déplacé. Mais il y a eu quand même des prises de parole. Il y a eu des phrases assez choquantes. À ces chocs qui ont été dites, ça a fait du bien d'entendre ça. Malheureusement, comme je le disais pour les Oscars, c'était pas le lieu ni le, voilà. Après, partant de là, on pourrait très bien dire, ouais, bah dans ce cas-là, si c'est pas le lieu ni l'endroit ni rien ni le moment, Polanski, on peut le récompenser. Non, parce que là, il faut en tenir compte aussi. Mais c'était une cérémonie. C'est le seul César un qu'il fallait pas qu'il ait, il l'a eu. Oui, il l'a eu. Donc c'est plus ça. Moi, je mise sur la provoque. Hein. Pour moi, il y a une forme de provoque, sachant que les mais les moi, tout comme je n'aurais... Après, Ladjili, ça va, parce qu'il n'a pas reçu de César pour lui, finalement. Il l'a reçu pour son film. Donc, oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Donc, ça va. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il l'aurait eu pour lui. Tu vois, moi, pour moi, il aurait fallu qu'on s'insurge autant, quoi. Peine purgée ou pas. Oui. C'est pas... Bah, il est pas... Enfin, voilà. C'est les actes nous suivent toute notre vie. Hein, donc... Bon, après, je crois quand même à la rédemption. Aussi, je crois, mais je après, crois, ça, c'est ça, plus j'y crois un peu. Personnel, je pense des choses. Voilà. Voilà, c'est la réinsertion, tout ça. C'est, je pense que lui-même en a conscience finalement. Mais après, bon, quand il y en a un qui en a conscience, et puis voilà, il a fait ce qu'il a fait effectivement. Mais il y en a un, effectivement, il ne fallait pas le récompenser avec ce prix-là. On l'a fait, et ça a fait, je pense, un bruit. Bon, maintenant, on n'entend plus parler à cause. D'un certain virus, voilà. mais c'est vrai que ça, jamais les Césars ont fait autant parler d'eux. Oui. Maintenant, là où effectivement, et même moi, j'avoue, en 2014, et il y a des gens là qui m'ont ressorti mes vieux tweets, effectivement, en 2014, j'étais content que Polanski ait le César du meilleur réalisateur pour la Vénus à la fourrure. Mais en 6 ans, on évolue. Tout comme Roche Dizem, il l'a dit, hein, en 2002, on a applaudi Le Pianiste. Oui, voilà. Après, tout le monde était content, même en 2002. Et qui est toujours un excellent film, d'ailleurs. Voilà, La Vénus à la fourrure. Bah, tout comme La Vénus à la fourrure, d'ailleurs. Et à l'époque, Adèle Haenel, elle était dans la salle de Polanski, quand Polanski est allé sur scène, elle ne s'est pas levée. Mais c'était une autre... voilà, c'était il y a 6 ans, la société évolue. C'était même ses premiers Césars, je pense, à Adèle Haenel. Ouais, donc pour voilà. Les combattants, non c'était... Oui, ça doit être les combattants. Les combattants, ouais, c'est ça. Je n'avais pas aimé, d'ailleurs. Mais non, c'était pas ouf ça. Mais après, voilà, c'est une autre époque et je comprends qu'aujourd'hui, bah, il y a une parole qui se libère et les cérémonies, du coup, doivent s'adapter à ça, je pense. Parce que bah, il y a des choses, voilà, qu'on c'est peut. Quand même c'est un format assez vieillissant, assez ringard, je trouve, personnellement. Oui, hein. Ouais. Et je trouve que, ouais, justement, comme je l'ai dit pour Star Wars, dynamiter tout ça, ça serait bien aussi, tu vois. Ouais, non mais c'est vrai. Enfin, hein. Dynamiter, on s'entend bien, hein, pas faire tout exploser. Non, je veux pas envoyer de messages, de messages comme ça. Mais vraiment réinventer, voilà. Voilà. Oui, je pense qu'il y a un truc à remettre à neuf parce que là, ça commence un peu à prendre la poussière. Alors, je regarde par automatisme. C'est très bête, mais je m'apercevais que je regardais quand il y avait les récompenses. Puis entre deux, j'étais sur mon téléphone, sur Twitter. Finalement, quand une cérémonie t'apporte si ça. Si tu regardes vraiment, je trouve ça d'un chiant. Enfin, je veux dire, si tu regardes chaque minute du truc, c'est interminable, c'est atroce, hein, franchement. Voilà, il fallait en parler, on en a parlé. Voilà. Non, mais... Ou alors faire comme le Festival de Cannes. Festival de Cannes, ça dure quoi? Ça dure une demi-heure. Hein. La cérémonie à la fin, oui, bah oui. Ouais, ça dure une demi-heure, hein, franchement. Oui, bah oui, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est... Et là, on avait jusqu'à au moins minuit, quoi. Ouais, faut se les taper, quoi. Ouais, donc voilà, on a fini sur ce podcast, on a passé 2h30 à peu près en tout, mais voilà, il y avait beaucoup de news. Je voudrais remercier Morgane et Eddy d'avoir participé à ce podcast, c'était super sympa de votre part de venir pour donner vos avis éclairés, tout comme d'habitude. et puis remercier les auditeurs aussi d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. On espère qu'il vous aura surtout changé les idées. Oui, oui, si vous aviez... bon, après, on n'est pas non plus... Enfin, comment dire... moi, je n'ai pas la prétention de dire que je changerai les idées de n'importe qui, de quiconque. Quoi, non, mais changer les idées, ne serait-ce que par rapport au climat oui. actuel. Ah oui, l'épidémie, tout okay. ça. C'est... Axel, en fait, en ce moment, il y a ce qu'on appelle le coronavirus. Oui. Non, on mais, parle pas assez. Tu vois, moi, j'avais déjà oublié. Mm. Mais par contre, c'est bien de... Par contre, après, voilà, n'oubliez pas. Mm. On va pas faire comme à la télé, mais c'est vrai que pensez bien à, ouais. pensez bien à vous, voilà, pensez bien ça, aux autres. Ben, respecter les mesures voilà. d'hygiène, à se laver les mains et voilà. Non mais c'est vrai, mais... C'est, ça peut se paraître bateau, mais c'est vrai que. Et n'allez pas dévaliser les magasins, ça sert à rien. Non. Les camions roulent. Voilà. Et n'allez pas voir vos grands-parents. Laissez-les tranquilles, c'est dur, mais laissez-les tranquilles. Vous pouvez les FaceTimer. Alors vous pouvez aller les voir. Les Skyper. Alors vous pouvez aller les voir. Non non, allez les voir si l'héritage est bon. Mais si vous sentez qu'il y a un bon feeling avec l'héritage, vous pouvez aller les voir tous les jours si possible. C'est... Non mais quoi c'est mais non, mais, non mais on l'a dit, le coronavirus va avoir des conséquences économiques. Donc pensez économie avant tout. Et la seule source d'économie viable, c'est peut-être les grands-parents. Donc pensez-y, allez les voir aussi souvent que possible. Je ne vais pas pouvoir finir. Bon, du coup, on va rappeler que c'était une blague. Hein voilà. Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, j'aurais pas rigolé si c'était sérieux. La team premier voilà. degré. Donc, je vais rappeler toutes les informations. Vous pouvez nous retrouver pour les podcasts, pour les émissions, pour les critiques aussi écrites. C'est moviesnerd.net. Sur les réseaux sociaux, c'est MoviesNerd sur Facebook, Movies_Nerd sur Twitter, MoviesNerd_officiel sur Instagram. Vous pouvez nous contacter contact@moviesnerd.net pour toute demande, information, voilà. Vous pouvez noter, enfin écouter le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud. Partout en fait, vous avez des applications de podcasting. Notez le podcast sur iTunes, ça nous permet de monter dans les classements des podcasts. Enfin, c'est Apple Podcast maintenant, mais j'ai trop l'habitude de dire iTunes. Ça fait depuis 2013 que je dis iTunes. Alors voilà. Et je crois que c'est tout pour mon listener. Donc moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram. Sans critique, Movies Nerd et puis Steam, The Lexal, THELEXAL, voilà. Eddie, bah ça change pas de d'habitude, hein, c'est sur Movies Nerd, sur Facebook, sur Sans Critique, sur Steam, sur YouPlay, sur Origins, sur Discord, et c'est Eastark partout. Parfait. Et sur Twitter et YouTube. Okay. Twitter. Morgan. Bah moi sur Twitter, @morgan, sur Sens Critique, Mogo Sheridan, voilà. Et puisqu'on est sur Twitter, je vais faire un petit coucou à un certain Ronan. Oui, Ronan, oui, qui nous avait laissé un message super gentil. Ouais, c'est ah bon trop gentil. Ouais. Mais oui, hein, il a dit... sur Twitter, dit... mais je suis ouais, pas... Oui, tu vas pas souvent, mais de toute façon, il t'a mentionné. J'arrive, donc, j'arrive pas à m'y faire au format Twitter. Ouais, il nous a mentionné tous les trois, et voilà. D'accord, et en fait, c'est il super écoute, gentil. Il écoute les podcasts, mais depuis le début, genre la dernière... Il y a une semaine, on s'est parlé un d'accord, peu en... Ouais. Bah, le 1er mars, il écoutait le podcast Parlons Cinéma numéro 15, où on parlait ouais. de la bande-annonce de Split, quand même. Ah oui, quand même. Si tu vois, c'est des archives peut-être intéressantes à écouter, voilà, pour voir... Bah oui, et bah oui, du coup, mais du coup, vous savez, c'est ce que j'ai fait, j'ai réécouté des trucs pour me dire la différence entre ce qu'on attendait d'un truc et le résultat ouais. final. Par exemple, je suis retombé sur un où on parlait de Steve Jobs avec Michael Fassbender, j'étais là, bah non, je veux pas le voir, ça a l'air nul. Et puis là, j'étais là, ouais, wow ouais. Donc, non mais c'est, voilà, c'est sûr, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de... peut-être parfois de réécouter les anciens trucs. Ouais, puis bah en tout cas, il le fait, voilà, très gentil, ouais, super, vraiment, merci, le message hein, m'a très touché. Super gentil. Bah merci voilà. bien. Eddie ira voir ton message. Voilà. Mais alors, je suis en train de le chercher, mais vu que je connais rien à Twitter, j'ai un peu de mal à retrouver. On te montrera si tu veux. voilà. Et je vais le paraphraser, il m'a dit: tu me fais bien marrer, n'empêche. Ouais, voilà. J'étais parti sur un délire entre camping et Mad Max Fury Road, apparemment. Mmh. Et voilà, il m'a dit qu'il m'a fait rire. Ah, il en faut, hein, tu fasses rire. C'est clair. Bon, on... Allez, par contre, vu mes dernières déclarations là avec l'héritage, on va peut-être me retrouver dans un cercueil là. On verra. Non, mais ça devrait aller, il n'y a pas de soucis. Très bien. C'est une blague. Ouais, donc oui, Morgane sur Twitter, Mogo Sheridan, c'est ça. Non, Mogo Sheridan, c'est sûr. Non, on va recommencer. Ouais. Non, c'est Mogo Sheridan sur Sens Critique et @CineMorgan sur Twitter. Voilà. Et ben, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir participé. Et puis, ben, on se retrouve très prochainement pour le prochain Parlons Cinéma. Salut. Salut. Salut. Great big old town.